You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hey, hey! Bonsoir et bienvenue à Horreur Gamer, l'épisode 90. Mon nom est Jean-François Tremblay et je suis pas en remplacement de Sébastien parce que il est là. Puis je vais vous le présenter. J'allais le présenter autrement, mais bon, je vais faire ma présentation quand même. Là. Je suis vraiment poche, là, comme c'est poche comme intro, mais ma présentation c'était j'ai avec moi celui qui est même pas game de relever le défi de la... qui est dans le film. Puis il ferait comme la petite fille, puis il mangerait lui aussi sa table avec plein, qui est pleine de bouffe. C'est Sébastien Bouchard. Salut Sébastien. Salut. faudrait que je repense à ce qu'il y avait sur la table, là, mais je sais pas. Peut-être que je serais capable de me retenir. À moins qu'il y ait un coke. Tu vois, la scène, toi, tu sais, là. La belle table avec plein d'affaires, puis un gros placement de produits en plein milieu avec un coke. Ou un sac de McDo, là, tu sais, un Mac poulet, là, puis là, tu es comme ah! Mais là, la fille, elle se garoche dessus. Un joyeux festin. Un joyeux festin. T'sais, ouais, un mec café. Ça va, Seb? Yes, toi? Oui. Oui, très bien. Pourquoi t'animes pas à soir? J'ai eu une journée de fou. Ben, ça fait 2-3 jours que je suis dans les rénaux sur le patio. Je suis fatigué. Je voulais absolument faire l'épisode, mais je me suis dit, quand je suis fatigué, j'ai tendance à déparler puis à faire énormément de lapsus puis à m'enfarger. Fait que j'ai dit, bah, c'est un GF. Ça fait longtemps que t'as pas été là. Prends donc le contrôle un peu, puis dérouille-toi. Ouais, c'est mon premier épisode avec depuis le bébé. Premier épisode live, régulier, pas musical, etc. Mais en fait, non, pas d'entrevue. Ben, on n'a fait pas d'entrevue. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Fait, on a fait quand même une critique. Vous l'avez entendu un petit peu, l'autre qui est avec moi, c'est celle qui serait même pas game, je gage, de faire une série de projections privées toute une nuit à la maison hantée du film House. Oh, Chris, non! Vicky Langlois, salut Vicky! Salut! Ça va? Ça va bien. Oui. Mon tout, assez fatigué, on dirait que les vacances me rentrent dans le corps, c'est bizarre, hein? Je suis même pas vraiment en vacances. Là, on dit qu'on ferme, mais on est ouvert. Mais on ferme le soir, fait qu'on est ouvert de jour quand même. Fait que je suis semi en vacances, puis ça me rentre dedans quand même. J'imagine que tu gères business, t'es jamais vraiment en vacances. Là. Non, effectivement, on n'est jamais vraiment en vacances. Là. Surtout, tu sais, comme les messages, les messages rentrent beaucoup, les courriels et tout. Mais tu sais, on ferme à 7h, on est ouvert 11h le matin à 7h le soir. On est comme, vive les vacances! Mais on est quand même là, tu sais, c'est juste... juste spécial, là. C'est une moitié d'horreur. Mais par curiosité, quand tu parles de Messenger et tout ça, tu te mets-tu des limites quand même? Tu dis-tu, OK, là, j'y regarde pas en tout, mettons, de telle heure à telle heure. Il peut pas avoir le feu, il y a personne qui va mourir. Je fais pas d'horaire, mais tu sais, mettons, comme là, on est en train de podcaster, je répondrais pas si quelqu'un m'écrivait. Peut-être d'impose, mais pas pendant le podcast, tu sais, c'est normal. Mais tu sais, je me mets pas un arrêt. Mais hier, je voyais une amie, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, ben j'ai laissé le cellulaire à la maison. Tu sais, je me dis, garde, il pourra rien arriver, rien n'est urgent. Mais quand je l'ai sur moi, on dirait que je me sens l'obligation de répondre. Ouais. Ben, je l'ai laissé à la maison, puis j'ai dit, garde, c'est pas là l'important. Mettons, je fais une publication Facebook là, les gens s'attendent à ce que je réponde. Mais comme ma publication était ce matin. Fait que là, à soir, s'il y en a qui écrivent, ben ils sont juste en retard. Fait qu'ils n'auront pas de réponse. Mais je pense qu'il... Oui, qu'est-ce que tu allais dire? C'est plus comme ça. C'est pas comme à tous les jours, à 9h, je décroche. Il y en a qui font ça. Mm-hmm. Moi, non, parce que vu que c'est un cinéma, les gens n'ont pas l'impression qu'à 9h, c'est fermé. Non. Fait que je peux non, pas toujours ça. Me permettre ça, mais souvent, des fois, je fais « Ben là, à soir, cette année, c'est fini, j'arrête. » De toute façon, t'as des gens de confiance avec toi là-bas. Là. C'est pas comme si t'étais insécure au fait de laisser la place aux autres. Ah! pas en toute la semaine passée. Il a fallu que je parte, j'avais une urgence, puis ma serveuse est rentrée, ma chef était là, il n'y a rien eu de problème, tout était beau, ils ont fermé tout. Ça roule tout seul. Là, ouais, si tu n'étais pas en confiance avec les gens que tu avais engagés, tu aurais probablement plus une attitude de « je contrôle à distance », mais... Ça, c'est quand même la preuve que t'as du monde que t'aimes et non, genre, le monde par défaut que t'as été pogné avec. Ben, c'est ça, tu sais, au contraire, je leur fais 100% confiance. Je sais qu'ils ont l'initiative et qu'ils sont capables de se débrouiller. Ma chef, c'est ma meilleure amie. Puis en plus, hey, ça fait une longue parenthèse hein, pour un podcast le cinéma. En tout cas, ouais. en plus, tu sais, elle me le dit, elle dit Vic, les employés au service, ils sont plus performants quand t'es pas là. Parce que quand t'es là, ils se disent « Oh, pire, Vic est là. » Tu sais, mettons, ils n'ont pas de change dans la caisse. Mais faut que tu commences ton chiffre avec du change. Puis ils savent, ils sont où, puis ils peuvent aller le chercher eux-mêmes. Mais ils savent que quand je suis là, ils peuvent juste faire, pendant le rush, « Hey, Vic, j'ai pas de change, puis je vais y aller. » Mais quand je suis pas là, ils se débrouillent, fait qu'ils le font eux-mêmes. Fait qu'elle dit, tu sais, d'une fois que tu sois pas là une fois de temps en temps, ça les oblige à se débrouiller. Fait que c'est vraiment pas négatif que je fasse « OK, je suis pas là. » Nice. Yeah. Ben, là-dessus, on va... Je vais nommer les films dont on parle ce soir. Oui. Parce que je ne les ai pas encore nommés. C'est un autre épisode Shameless ce soir, puis c'est ma Shameless. Oh, ouais, je ne savais même pas. Ouais, ben, c'est une Shameless en quelque sorte. Mettons que le premier, ça fait partie de ma Shameless, puis le deuxième, c'est rajouté de même, là. Le premier, c'est Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Je ne l'avais jamais vu jusqu'à, là, deux, trois jours. Puis le deuxième film, c'est... Haosu, film japonais de 1977, je sais pas exactement, mon japonais est pas très très bon. Dans ce cas-là, il faudrait dire El Labirinto del Fono. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'en plus, c'est même pas Pan. Non, traduction de marde. En tout cas, je l'ai écouté en espagnol. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est ça, Haosu, dans le fond, je l'ai... Au début, j'avais proposé d'autres choses, ça n'a pas passé au conseil d'Horreur Gamer, l'autre film, parce... en tout cas, pour diverses raisons, puis là, je me suis dit, moi, je sais pas trop, il y en a plein de films qui pourraient rentrer dans une shameless, mais lui, il m'intrigue depuis un bout, il l'a à ma bibliothèque municipale, puis à la version Criterion, puis la pochette est vraiment intrigante, puis tu sais, c'est un vieux film japonais, puis Steven me disait que ça valait la peine, parce qu'il me semble qu'il m'avait dit ça, fait que je me disais, bon, ça peut se rajouter dans une shameless, là, je pense. Ah oui, il apparaît souvent dans des tops de suggestions et tout ça. Puis tu sais, quand j'ai fait la publication sur Facebook hier ou avant-hier, ben hier je pense, il y a beaucoup de gens qui ont réagi là, à ces deux films-là. Vicky, es-tu dans le top? On a fait Shopping Mall, là. On ouais, a fait c'est ça. Shopping Mall, comme tu sais, rendu là, il n'y a plus de shameless. Voilà. Il n'y a plus de shame. Non, non, non. Mais Vicky, il faudrait qu'on check dans notre livre des 1001 films à oui. voir s'il est dedans. On checkera ça. Est-ce que t'es comme Steven, tu fais juste tendre la main, tu l'as? Ouais. Ah, oh, ouais. Tu vois-tu la bibliothèque derrière moi? Ouais. Il est à la deuxième étage. Parfait. Juste parfait. Là. Bon, ben, est-ce qu'on a des choses à annoncer? Ben oui, l'épisode, on est à 90, il y a eu un épisode de Fantasia numéro 89 qui a supposément été diffusé avant celui-ci. C'est bon. Au moment où on enregistre, il n'a pas encore été, mais en tout cas. Fait que c'est ça, Steven est à Fantasia, Audrey aussi, puis il y a Marc-Antoine. Fait qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont fait un épisode ensemble, si je ne me trompe pas. Comme je dis, on ne l'a pas encore écouté. Là. Ils l'ont fait ils l'ont fait dans leur coin. Eux, nous, on fait notre épisode à nous autres. Maintenant, Horror Gamer, c'est divisé en deux. On est rendu trop big. Il faut diviser les forces pour livrer la marchandise. C'est ça. Fait que c'est ça, non, l'épisode Fantasia. Puis je pense qu'il va y en avoir d'autres. C'est ça le plan, si je ne me trompe pas. Parce que c'est quand même un long festival. Il y a beaucoup de stock. Oui. Puis si vous avez écouté l'épisode de Séance de minuit que Steven puis Marc-Antoine ont fait, qui parle de la programmation, ben vous voyez qu'il y a justement beaucoup, beaucoup de films intéressants. Moi, il n'y a pas aucun des titres là-dedans qui me disait rien, mais je les écoutais, j'étais comme « OK, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air pas pire, ça. » Fait que celui-là vaut à peine d'être écouté, celui de notre épisode 89, puis les autres, si ça vous intéresse, là, ça, je pense que ça va valoir la peine. Fait que sans plus tarder, je pense qu'on est prêt à starter. Oh, ouais. Yeah! Ok, ben, petite madame qui crie, vas-y. Donc, Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, ou en espagnol, j'ai hésité, El Labirinto del Fono. C'est écrit par Guillermo del Toro, c'est... parmi les producteurs, il y a Alfonso Cuarón, c'est un petit détail. Ça met en vedette... les deux, je crois. Ouais. Sur beaucoup de films. Ça m'en veut d'être la petite Ivana Baquero. Et les autres acteurs, je sais pas vraiment, je sais pas qui est qui, là, je regarde la liste puis je sais pas qui est qui, mais en gros ça se passe dans l'Espagne de 1944, de la période sous le régime de Franco. Puis bon, t'as une petite fille qui s'en va avec sa mère habiter avec son nouveau beau-père, dans le fond le nouveau mari de sa mère, qui lui est un genre de colonel d'armée hyper sévère, et donc rendu sur place, ça va faire j'ai un petit blanc de mémoire sur comment ça starte l'affaire de la petite fille. Mais en tout cas, on va rencontrer une petite fille qui va l'amener dans un monde, souterrain, mais en fait, imaginaire, pas imaginaire, mais un monde invisible du reste du monde. Fantastique, c'est ça. En parallèle de ce qui se passe dans le monde réel, si on veut, avec les rebelles qui se cachent dans les montagnes, puis les gars de l'armée qui essaient de chasser, tout ça. C'est un film qui mélange ça, le réalisme de la guerre et le fantastique. Et donc, c'est un film de 2006. La plupart des gens et leur grand-mère, je pense, l'ont vu. Mais j'étais un des seuls au monde à ne pas l'avoir vu. Fait qu'on va en parler. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée pourquoi je ne l'ai pas vu. Tu le boudais dessus parce que tout le monde l'aimait? Probablement. C'est ce que ça a fait avec Émilie Poulain. Ça a pris 12 ans que je le vois, je pense. Oh my God! Mais non, c'est ça, je suis très content de l'avoir vu, puis mon opinion n'est pas du tout négative. C'est un mélange de satisfaction puis une légère déception. Mais ma légère déception, c'est juste parce qu'à la fin de l'épisode, j'ai fait, ah ben ok, c'est juste ça. Parce que je m'attendais à plus, ça a tellement été hypé dans ma tête, pas à cause du monde, c'est pas le monde qui l'a tellement hypé, c'est moi qui, je voyais des images de ce film-là depuis 10 ans, depuis 11 ans, puis je me disais, ah, ça va être plein de créatures fantastiques et tout ça. Finalement, il y en a trois genres des créatures fantastiques, tu sais. Mais, saupoudré. Ouais, c'est ça. T'sais, je m'attendais à vraiment... T'sais, je pensais pas avoir toutes vues, mais je les avais toutes vues, les créatures, quasiment, dans des bandes-annonces, puis entre les images que j'ai vues depuis 11 ans de ce film-là. Ah, ouais. Puis, bien aussi, j'ai vu l'épisode de Fun regarder film de Sébastien, fait que je m'étais déjà spoilé le film, tu sais, il y a quelques années. Mais quoi que je m'en souvenais plus pas en tout des détails, là. Mm-hmm. Mais satisfaction de l'avoir vu parce que c'est un très bon film, et j'ai été assez surpris de la violence. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent, même si c'est Guillermo del Toro, puis c'est très, il y a des bouts de très gore et tout ça, puis je m'attendais pas à ça. J'ai aimé la performance de la petite fille, j'ai aimé la musique, j'ai aimé les effets spéciaux, j'ai aimé l'histoire dans l'ensemble. Je m'endormais en commençant le film, le genre de film que tu commences à... Là, j'ai un petit bébé, fait que, tu sais, à 8h le soir, des fois, je tombe, là, mais il était genre 9h30, 10h, puis j'étais vraiment très endormi. Mais là, il faut que je l'écoute à soir, sinon, j'aurais pas vraiment d'autres occasions. Fait que là, je l'ai starté, puis, tu sais, ça faisait 5 minutes, puis j'étais comme, je vois-tu ça, le toffé? C'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que je m'endors. Mais il dure 2h, puis je l'ai toffé au complet sans m'endormir, rien. À un moment donné, j'ai embarqué, j'ai fait, OK, c'est le fun, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est lent un petit peu, mais pas vraiment, tu sais, c'est un rythme assez mollo, mais ça, c'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps prenant. Puis... Non, c'est ça, en gros, mon opinion, c'est que je suis très content de l'avoir vu. Puis, dans les deux cas de ce soir, les deux films, je dirais que c'est un cas que, justement, j'avais des attentes, j'ai été un petit peu déçu. La deuxième fois, je l'apprécierais plus encore. Puis c'est la même chose avec l'autre film, mais ça, on va en parler tantôt du genre d'attente que j'avais pour l'autre film. Mais voilà, c'est ça mon opinion en gros. On en discutera plus en détail. Là. Fait que qui veut y aller avec son petit résumé d'opinion? C'est vrai. Je pense que c'est à mon tour. Alors, ben moi, ça doit être la 3, si c'est pas la 4e fois que je voyais ce film-là. Et moi, Le Labyrinthe de Pan, c'est un film qui me captive à chaque fois. Parce que ça me captive sur le mode historique, donc l'univers réel, puis ça me captive sur le monde mythologique, donc l'univers imaginé. Moi, personnellement, je suis une fille qui adore l'histoire, et je trouve qu'au Québec, il y a une histoire qui ne nous parvient pas, et c'est l'histoire espagnole. Mmh. Étrangement, on connaît beaucoup l'histoire française, on connaît par vague l'histoire anglaise, puis même l'histoire de Chine et de Russie. Pour des raisons que j'ignore, on les connaît quand même assez. Mais l'histoire espagnole, c'est vraiment une de celles qui m'est le plus étrangère. Ayant un ami cambodgien, même Pol Pot et tout ça, les Khmer Rouges, c'est une histoire que je connais. Mais la guerre espagnole, c'est vraiment un gros blanc dans un gros manque dans ma culture générale. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'avais vraiment envie d'en apprendre plus. Et encore une fois, je l'ai écouté aujourd'hui. Et là, j'ai fait, bon, ben là, ça y est, Vicky, tu y vas, tu en apprends plus. J'ai écrit justement que je cherchais des livres sur cette période, la période franquiste, qu'on dit la période franquiste. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est à peine effleuré dans ce film, mais qui est très vrai, qu'on comprend sur le niveau de la guerre, mais on ne connaît pas les fonds de la guerre. Bien sûr, à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui dit « on va tuer le colonel », qui est le méchant ultime dans le film, mais le docteur dit « oui, mais il va en venir un autre, puis un autre, puis un autre ». Fait que là, on comprend que ce colonel-là n'est pas finalement le chef. C'est pas le chef, c'est un des chefs. Donc, ça donne envie d'en connaître plus, ça donne envie d'en comprendre plus sur c'est qui les rebelles, puis c'est qui les gens de l'armée aussi. Et l'univers fantasmé, quoi qu'elle ne me donne pas envie d'en chercher plus, là, je sais que sur les DVD, souvent, il y a les bonus, tu peux aller chercher plus de détails sur la création des personnages, les backgrounds des personnages. Moi, j'ai trouvé que dans le film, on m'en donnait suffisamment et j'avais pas envie d'aller en chercher davantage. Je le sais que dans un épisode, j'avais dit carrément le contraire avec le film 13 fantômes. Ouais. J'avais envie d'une plus grosse mythologie, mais on dirait que celui-ci, peut-être parce que malgré sa violence, il demeure beaucoup dans l'enfance, dans l'imaginaire des filles de l'enfance. J'ai pas l'impression que c'est un imaginaire qui vient me chercher. Tandis que les 13 fantômes, j'avais l'impression que c'était l'imaginaire des tueurs en série, livre que je lis aussi régulièrement. Autre chose, le film, tu sais, c'est... On sait pas sur quel pied danser quand on n'a jamais vu ce film-là. On se dit, OK, c'est un film sur le fantastique, jusqu'à quel point. Et là, dès le début, dans l'univers réel, le colonel arrête des gens de la forêt. Et on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Et il les tue de façon très, très violente. On est dans les 20 premières minutes du film. On a déjà vu que c'était une personne austère, raide, difficile d'approche, toujours dans la critique et le reproche. Vraiment pas une personne agréable à côtoyer. Et là, il abat un père et son fils de manière totalement violente. Et tu dis « OK, ça va être ce genre de film-là ». Et après, la violence se répercute aussi dans le monde imaginaire avec l'espèce de vieux pas Dieu là, que vous l'ogre souvent, qui... Et l'ogre qui a un festin, qui, sur les tableaux, sur le mur, mange des enfants. Alors, tu te dis, OK, il y a vraiment une répercussion des deux univers. Et plus je vais écouter le film, plus je vais voir la répercussion de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun avec le labyrinthe de Pan. Plus tu écoutes le film, plus tu vois les répercussions vraiment... Tu sais, comme quand on dit tout le temps, là, on jette une pierre dans l'eau puis ça fait des cercles. Bon, ben ça, c'est ce genre de film-là. T'as tout compris quand t'as fini le film. T'as pas l'impression qu'une deuxième écoute, tu vas en apprendre plus. Puis je pense pas que t'en apprends plus, mais je pense que tu fais des liens. Tu fais plus de liens après plusieurs écoutes parce que tu n'es pas dans la découverte, mais tu es dans l'analyse. Donc, plus tu écoutes ce film-là, plus tu fais des liens. Ben, je pense que c'est un film qui mérite des 3, 4, 5e écoute, pas pour vous allez voir plus de choses, mais plus parce que vous allez l'apprécier, comme Jeff a dit, il s'attendait à avoir plus de ci, plus de ça, puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens, que ce soit plus de mythologie ou plus d'informations, puis plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que toute l'information est là. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film-là. Quand il était sur la liste, j'étais vraiment contente. Je m'étais dit, est-ce que faut que je le réécoute? Je le connais quand même pas mal. Puis finalement, ben, je me suis dit, bah, pourquoi bouder mon plaisir? Je vais le réécouter. C'est un bon film. C'est un film qui, pour moi, est le barème de Guillermo del Toro. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Moi, j'ai pas vu Chronos, mais l'autre, là, de Devil, le Devil's Backbone. Oui, je l'ai vu. J'avais apprécié. Mais pas à la hauteur de Le Labyrinthe de Pan, à mon avis. Et moi, c'est vraiment son barème. Quand j'écoute des films, on dirait que, tu sais, on a seul un réalisateur qu'on aime tellement un film qu'on se dit, ouais, mais c'est moins bon ou plus bon que. Et moi, à date, Guillermo ne s'est pas surpassé depuis Labyrinthe. Ça, c'est vraiment personnel à moi. Mais quand j'écoute un autre film de lui, je fais, ouais, mais Labyrinthe avait. Ouais. C'est sûr que, comme je dis, moi, j'aime beaucoup l'histoire, puis Labyrinthe de Pan vient titiller ma fibre historique. Avec les uniformes, les manières de parler, les histoires de monde, les histoires de filiature, tu sais, le colonel va avoir un enfant et il ne parle que de ça, tu sais, à quel point il veut être un père, puis c'est important, fait que c'est une question de hiérarchie. Ouais, c'est ça, il veut un fils, tu sais, comment vous savez que c'est un garçon, puis il se marie comme c'était totalement normal qu'un garçon ne peut pas avoir une fille, pas lui, tu sais. Fait que, à chaque fois que tu le sais qu'il est détestable, puis que tu vas l'haïr, mais ben, à toutes les fois, il va chercher une autre fibre chez toi, puis tu te dis, oh my God, puis j'ai hâte de la fois où je vais voir ce film-là, je vais avoir pitié de lui, c'est pas arrivé encore, mais ouais. Il y a ça. Ce film-là est incroyable. Vraiment, le Labyrinthe de Pan, je trouve que c'est un film incroyable. Et je te passe le micro, Seb. Merci, Vicky. Ceux qui ont vu mon épisode de Fond de regarder les films connaissent mon épisode sur le Labyrinthe de Pan. Sinon, je vous le donne dans le mille. Labyrinthe de Pan est probablement dans mon top 10 des meilleurs films à vie. Et juste parce que je n'ai jamais vraiment fait ce top-là, il est peut-être dans le top 5. C'est un film que j'adore, mais que j'adore. Je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai vu. Vicky, tu disais que c'était peut-être ta quatrième, cinquième fois. Moi, on est dans les dizaines. J'adore ce film-là. Je l'écoute au moins une fois par année depuis sa sortie. La journée que je l'ai écouté la première fois, je l'ai écouté deux fois. C'est vraiment quelque chose que j'adore, ce film-là. Moi aussi, c'est mon préféré de Del Toro. Moi, je considère que Chronos, Devil's Backbone et Labyrinthe de Pan ne font qu'un, dans le sens que c'est des films avec des drames excessivement humains, ancrés dans la réalité, auquel drame du fantastique va s'ajouter. Chronos, c'est ça, c'est l'histoire d'un grand-père, sa petite-fille, mais il découvre une machine qui fait en sorte que tu peux devenir un vampire en ayant la vie éternelle. Ça complique les choses. Devil's Backbone, orphelinat pendant la guerre avec un petit gars qui se fait laisser là, mais dans l'orphelinat il y a un fantôme, donc on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est ce fantôme là. Donc c'est une thématique que Del Toro aime bien. Puis c'est drôle parce que ouais. Donc Devil's Backbone, pour ceux qui l'ont vu ou pas, c'est juste que l'orphelinat est reclus, ouais. Est loin. On ouais. a l'impression que la guerre est loin dans le temps. Comme dans la géographie. Elle n'est pas à leur porte. Tandis que Labyrinthe de Pan, la guerre est à leur porte. Là. Ah, la guerre écoute, est là, elle est à leur porte. Ils la vivent à tous les jours. Mais elle, la petite fille, réussit à s'y évader complètement. Puis c'est ça qui est incroyable. Parce que la guerre n'est pas loin, elle n'est pas dans un imaginaire, elle n'est pas t'écris pendant que ça se passe au-dessus de ta tête. Non, non, elle est dedans, la guerre. Elle est dedans. Oh, oui, elle est juste écoute, elle va marcher une demi-heure dans la forêt, puis elle risque de tomber sur un champ de bataille. C'est ça. Tantôt, je l'ai vu, puis tu sais, je me suis dit, je pense que ça, c'était la première fois que j'avais cette réflexion-là. Quand elle va dans la forêt pour rencontrer le crapaud, qu'elle revient sale, on aurait pu croire qu'elle a été kidnappée. Puis si ça n'avait pas été Mercedes qui la découvre, probablement qu'on aurait cru qu'elle avait été kidnappée par les rebelles. Peut-être, en effet. À cause qu'elle est toute sale. C'est la première fois que je me disais ça, puis je me dis, tu sais, elle est tellement dans la guerre qu'elle ne se rend pas compte que cette action-là aurait pu avoir des répercussions sur la guerre. Oui. Mais non, c'est... mais écoute, de toute façon, cette petite fille-là la fuit, la guerre. Ça, c'est. Je vous en parlerai dans ma section spoilers parce qu'il y aura section spoilers. De toute façon, quand t'es enfant comme ça, tu ne te rends pas compte non plus de toutes les répercussions que ça pourrait avoir, tes gestes pourraient avoir. Puis là, elle est tellement. Dans un autre état d'esprit à cause du fait qu'elle a un nouveau beau-père, puis tout ça, tu sais, je veux dire, elle cherche juste à s'évader, là, tu sais. Elle entend parler d'une quête, puis d'un crapaud, puis tout. Oui, pis, c'est ça. Comme... Mais c'est quand tu la vois sortir de la forêt, ouais. Tout en pleine de boue, tu dis, oh God, on aurait vraiment. Quelqu'un, là, un soldat l'aurait trouvé, aurait peut-être profité de ça pour faire un level-up politique. Oui, ça, c'est clair, mais elle a pas pensé à ça. Ils sont tous en forêt pour voir tuer, regarde, ben non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est juste pour dire à quel point elle est dedans. C'est que ça a le plus de répercussions que ce qu'elle peut croire. Oh oui, oui, oui. Non, oh, de toute façon, elle. Elle comprend aucune... que c'est grave parce que sa robe est scrap, ouais, là, mais. Ça, ah, mais pour elle, c'est le drame s'arrête à sa robe, anyway. Ouais, c'est ça. c'était la chose à ne pas faire, salir sa robe. Et encore. Et encore. Mais je peux te laisser finir ta critique, mais le drame s'arrête à sa robe. Et encore, parce qu'elle va dans le bain, deux minutes plus tard, elle n'est plus là, tu sais. Oui, mais de toute façon, sa mère lui pardonne assez rapidement. Mais non, donc c'est ça. Moi, c'est un film qui laisse libre cours à notre interprétation. Encore une fois, on va revenir. Mais je trouve que justement, c'est très, très bien amené. Mon interprétation change de visionnement en visionnement. même selon mon feeling, étant donné que j'ai comme jamais décidé ce que je voulais que ce film-là dise, on dirait qu'à chaque fois que je l'écoute, je me dis, cette fois-là, je vais l'écouter avec ça en tête. Puis ça va teinter mon écoute. Ça va faire en sorte qu'à la fin, je vais avoir moins besoin de Kleenex qu'une autre fois, admettons. Parce que c'est un film excessivement touchant. C'est Jeff, je pense, a parlé de la musique. Cette musique-là est incroyable. La berceuse que Mercedes chante à la petite fille, moi, c'est une berceuse que je chante à mon petit gars vraiment souvent. C'est sur sa playlist des berceuses avant de s'endormir. Ça va être pour toujours. Là. Moi, c'est la dernière trame sonore de film que j'ai acheté. Là. J'ai jamais rien acheté d'autre après ce film-là. C'est pas quelque chose que j'achète, mais ça, là, c'était un incontournable. Moi, je savais pas dans quoi je me lançais non plus quand j'ai écouté ce film-là. Sérieusement, j'ai eu une claque sur la gueule. Parce que justement, ça allait ailleurs, la violence était rough, était crue, mais Del Toro réussit à nous amener des belles choses dans ce qui est laid, c'est ça qui est fou, avec son fantastique, même si la scène avec l'ogre qui a mangé tellement d'enfants qu'il en a pu, et il a maigri, puis il est rendu tout flasque, cette scène-là, même si elle est excessivement effrayante et stressante, c'est tellement beau. C'est ça qui arrive avec Del Toro, c'est que c'est toujours beau. Tu regardes, tu fais comme, mais man, t'es tombé du détail dans l'œil. Dans ton imaginaire est fou. Tu sais, le faune est super beau. C'est Doug Jones, celui qui est toujours dans les films de Del Toro, qui fait ses créatures de son motion capture, qui joue... toutes les créatures dans ce film-là, puis ça paraît. Même les fées, ils réussissent à nous faire des fées que tu regardes, puis tu fais « Oh shit, c'est des fées, là, mais sont pas, on dirait que tu les trosses pas, tu sais. » Puis il réussit à faire en sorte que on aime cet univers fantastique-là, mais on le regarde... On s'en méfie même, tu sais, on est comme, c'est quoi qu'il y a derrière cette idée-là d'univers fantastique? C'est ça, quand elle va échouer une fois dans sa mission, tu sais, la réaction du fond est tellement agressive que t'es comme, oh mon Dieu, mais c'est-tu un bon gars, finalement, ce faune-là? Ce film-là, c'est... C'est tout ce que je recherche dans le cinéma, c'est du touchant, du beau, de l'acting incroyable, de la musique incroyable. Ce film-là est complet. J'aime son rythme. J'aime son rythme parce que même à un certain moment, justement, quand la petite fille va échouer une de ses missions, ils vont lui dire, ben garde, tu peux plus accéder au royaume. Parce que dans le fond, elle, si elle réussit 3 missions, elle va devenir une princesse. Dans le fond, elle est comme une princesse qui se serait... égarée du royaume fantastique, donc elle va y retourner. Sa vie, tout part en vrille, tout devient épouvantable. Ce que tu dis, oh my god, oh my god, oh my god, le monde fantastique, peux-tu revenir, qu'on arrête de voir cette guerre-là de merde et toute cette violence-là et toute cette tristesse, et justement, le monde fantastique revient. Il réussit à nous embarquer dans cette quête-là de la petite fille, puis on veut y croire que ce monde fantastique-là va faire en sorte qu'elle vivra pas les horreurs que nous, on voit qu'elle ne voit pas. Parce qu'en plus, c'est ça qui est fou, c'est que même si la petite fille est notre personnage principal qu'on suit, à chaque fois qu'il y a des horreurs épouvantables, elle est jamais là. Elle est jamais, jamais, jamais témoin de ça, ou presque. Elle voit peut-être un truc là, à la limite là. Mais le père, le fils qui se font tuer, elle voit pas ça. Le général qui se fait couper la bouche, elle voit pas ça. Même la torture dans la grange. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, elle voit pas ça non plus. Même ce qui se passe avec sa mère, elle le voit pas. C'est épouvantable. Écoute, c'est ça. Fait elle fuit quelque chose que nous autres, on se dit, faut pas qu'elle tombe là-dedans. Faut pas qu'elle... On dirait que c'est comme si plus le film avance, plus tu te dis, inévitablement, elle aura pas le choix de d'avoir cette vie drabe-là qui l'attend au bout du chemin. Et tu te dis, s'il vous plaît, est-ce que le monde fantastique peut juste venir la chercher pour pas que on ait un enfant de plus qui soit témoin de ces horreurs-là des humains? C'est malade. C'est juste complètement fou. Mais j'ai vraiment le goût qu'on parle de la finale puis tout ça. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire qui étaient non-spoiler avant. Tu dis que c'est un film complet, mais je regardais sur le cover, c'est que c'est vraiment un film original. Ça vient pas d'un livre, d'un CD, du... T'sais, pis ça l'arrive... Connais-tu l'année du film? J'ai pas regardé... 2006, ouais. C'est ça. T'sais, 2006, on regarderait, il doit pas avoir tant que ça de films originaux. Fait que tu sais, c'est de dire, donner la chance en 2006, de dire, OK, hey, on a donné la chance à quelqu'un de créer un film original. Parce que plus ça avance, plus c'est des suites ou des remakes, des reboots... des reprises, des livres adaptés. Ouais, mais justement, Del Toro, il n'y a pas de la misère un peu à faire ce qu'il veut faire souvent dans son cinéma, tu sais. Souvent, Del Toro, ce qui se passait, c'est que ça avait fait ça, dans le fond, il avait réussi à faire... Je vais peut-être me tromper dans l'ordre, là. Si je ne me trompe pas, il avait fait Chronos, il avait fait Blade 2, donc gros box-office américain, qui avait après ça, il avait permis de faire Devil's Backbone, qui après ça l'a amené à Hellboy 1, qui après ça l'a amené à Labyrinthe de Pan, et ensuite Hellboy 2. Il alterne tout le temps entre un film personnel à lui et Blockbuster, dans lequel il essaye de mettre un peu sa touche. Donc j'ai l'impression que parce qu'il réussit un Blockbuster, il y a comme après ça une passe droite pour dire « OK, mais Last Star, je veux faire mon film à moi. » Fait que, t'sais, après m'a payé pour Crimson Peak. Et là, on apprend... tout est parti en vrille, mais on a su dernièrement son nouveau film, j'ai oublié le titre, là. Je l'ai partagé sur la page d'Horror Gamer, cette histoire d'amour entre une femme et une sirène, ou je sais pas trop quoi, c'est étrange, là. On revient... visuellement, ça fait très très penser au Labyrinthe de Pan. Époque et tout ça, là, en tout cas... Mais tu sais, c'est un réalisateur qui continue à être surveillé, tu sais. Ah, oui, il peut être planté dans des trucs, mais tu sais, moi, Hellboy 1 et 2, c'est pas « Wow, OK, j'ai tellement hâte de voir ces films-là ». Mais reste que après il nous sort Labyrinthe de Pan. Fait que tu sais, c'est pas un réalisateur qui se perd au point que ça vaut la peine de l'oublier. J'ai pas un nom en tête, mais il y en a un que, tu sais, c'est ça, il fait juste enchaîner les mauvais films depuis, là, puis t'es comme « OK, garde rien les ans. » Ouais, c'est ça. Del Toro, lui, ce qu'il enchaîne, c'est... les projets avortés. Exemple, c'était lui qui était supposé faire The Hobbit. T'sais. Il a travaillé pendant, je pense, 5 ou 6 ans pour faire The Hobbit. Finalement, c'est Peter Jackson qui l'a repris. Il était supposé de faire Tintin, je pense. Hein? Il n'y a pas un projet genre Spielberg n'était pas supposé faire genre premier Tintin, après ça, t'avais Del Toro, puis genre Peter Jackson faisait les deux autres, quelque chose comme ça. On a fait la même. Après ça, il était supposé faire Mountain of Madness de H.P. Lovecraft. C'est tombé aussi. Fait que c'est fou comment ce gars-là. Il avait acheté aussi les droits de Monster, qui est un manga vraiment cool. Okay. Ça aurait été cool que ce soit lui qui le fasse, puis ça a avorté, là. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que peut-être aussi ce gars-là, dès qu'il tombe en désaccord avec quelqu'un, il fait comme bye, moi je me. Peut-être parce que. Ben, il est très proche de ce qu'il fait, je pense, puis il est très émotif. Tu sais, sur le DVD, t'as comme l'intro de Del Toro, puis il dit ce film-là m'a coûté genre 46 livres. J'ai perdu 46 livres en le faisant, quelque chose comme ça. Tu sais, puis. Tu vois qu'il est très, très. Je pense qu'il est très affecté par tout ça. Tout ça, c'est des croquis qu'il fait. Ce gars-là dessine énormément. Moi, j'avais entendu dire un moment donné qu'il avait perdu son cartable de croquis. Dans un taxi. Puis le chauffeur du taxi, il avait fini par lui redonner parce que là, il se disait ma carrière est là-dedans. Là, t'sais. Lui, quand il veut faire un film, là, t'sais, il va aller là-dedans, il va regarder ses sketchs, puis il va faire comme eh oui, telle affaire, je vais dessiner, ça serait bien que je retravaille ça. T'sais. Ouais. Mais Le fait qu'il dessine tout ça, ça me fait penser à des storyboards. Ça, on revient au fait que, comme Vicky le disait, puis tu l'as dit aussi, c'est un film complet. C'est un film qui n'est pas une adaptation, mais qui est complet. Puis Vicky l'avait dit, quand tu vois le film, tu n'as pas vraiment envie après ça de fouiller le passé des créatures parce qu'ils nous le donnent tout. Moi, après avoir vu le film, moi aussi, j'avais le DVD, puis j'avais les bonus, puis je ne les ai pas regardés pendant tout. Ça ne me sert à rien. À part peut-être pour voir les effets spéciaux, comment est-ce qu'ils ont été faits. Oui. J'ai pas regardé ça non plus, mais ça pourrait être intéressant. Mais pour ce qui est des créatures, j'ai tout dans le film. C'est comme avoir lu un roman, là, où j'ai tout. J'ai pas les pensées du personnage, mais j'ai en format film. Ce film-là m'offre la même chose qu'un roman complet. Ouais. T'as pas l'impression que c'est ça qui va te sortir behind the scene, le book? J'ai pas l'impression qu'il me manque un bout ou qu'il me manque... Ce qui manque n'est pas accessible à cette mythologie-là. Oui. Et voilà. Et puis on va en revenir aussi. Ça fait partie de mon... Parce que ça reste que, tu sais, on parlait que c'est pas un lieu isolé comme l'orphelinat de Devil's Backbone, mais ça reste que c'est quand même assez isolé. Puis ce qui se passe, ben ça se passe là. Puis c'est juste là. Puis on voit pas ce qui se passe ailleurs dans le monde ou quoi. C'est en 44, c'est la Deuxième Guerre mondiale aussi dans le monde, partout ailleurs. Mais on voit juste ça. Puis c'est correct. Moi, j'ai juste cette histoire-là qui est correcte. Cet univers fantastique-là n'est vu qu'à travers les yeux de la petite fille. C'est pas comme si c'était... allant arriver à quelque part, puis que t'es comme dans Harry Potter, puis là tout le monde se met à faire plein de trucs, puis que tu sais, tu te rends compte que ils sont 50 000, puis tu ferais comme ah, mais c'est quoi cette affaire là que je vois là, ah, mais c'est quoi ça, non, tu sais, ils te parlent d'un royaume, mais tu vois même pas 10 créatures, hein. Tu vois la grenouille, les fées, le faune, le l'ogre, après ça tu vas voir La petite racine là, de... Ah, la petite racine de Mandragore. Puis après ça, ben tu vas voir le roi, la reine. Puis à côté d'eux autres, la foule. Mais c'est une foule, là, je veux dire. Ah oui, très anonyme. Ouais, oui, tu sais, c'est ça. Fait que tu n'as pas l'impression qu'il t'a montré des choses comme... Ah, ça me fait penser, c'est parce que c'est lui qui a quand même fait Hellboy 2, puis il y a une scène dans Hellboy 2 où Hellboy s'en va dans une cité, je sais plus trop c'est quoi... Mais ça fait penser un peu à la cantine de Star Wars. Il arrive là, puis il y a des créatures partout. T'sais. Il fait comme, j'ai eu du budget pour mettre des créatures, je me gâte. Fait que là, c'est sûr que tu regardes partout, puis t'es comme, hey, mais c'est quoi ça? Hey, c'est quoi ça? Pis c'est peut-être des trucs qui viennent des BD, t'sais, tout ça. Mais déjà là, t'as un univers qui est nourri par des BD en arrière de ça, avec Hellboy. Ben oui, ben oui. Puis vous avez parlé récemment du film, vous avez parlé du film Nightbreed, il y a quelques épisodes de ça, puis... C'est à ça, pas vraiment à ça, mais je m'attendais à un film qui avait plein de créatures, justement, comme tu dis, comme une cantina de Star Wars, quelque chose comme ça. Je m'attendais. Moi, je pensais que j'avais juste vu la pointe de l'iceberg des bandes annonces, puis tout ça, mais finalement, c'est ça. C'est parsemé, c'est très. C'est ça, c'est fait avec beaucoup d'économies. C'est pas. Non, c'est ça, exactement. C'est un film de 13 millions, là. C'est pas le budget de fou, là. Mais c'est un 13 millions qui est dépensé aux bons endroits. Qui est bien utilisé. Parce que j'allais rajouter que si Steven nous écoute, il doit se dire « Quoi? GF, il trippe pas sur CGI d'habitude, il a pas trippé sur Jungle Book ou de fait de même, puis il trippe sur Labyrinthe de Pan. » Labyrinthe de Pan, je trouve que c'est bien utilisé. Il y a des trucs que je trippe moins un peu, comme justement la racine de Mandragore, des fois, elle fait vraiment truc par ordinateur qui est mal animé. Mais peut-être la grenouille que t'as moins trippé aussi. Ouais, il y a ça. Mais le fond, il est super beau. C'est un mélange en fait, il est tout vrai, mais tu sais, ils ont enlevé les jambes de l'acteur, des trucs comme ça. Il y a des effets qui sont vraiment le fun, puis c'est un beau mélange un peu à la Jurassic Park, le premier, où tu mélanges justement le CGI puis les effets pratiques, puis ça se marie bien. Ça reste que c'est des effets de 2006, mais je trouve qu'ils ont plus ou moins vieilli, tu sais. Moi, les fées, que ce soit une espèce de luciole, libellule, qui se transforme en fée, je suis désolée, mais c'est parfait. Parfait pour moi. Là. Ça, là, c'était comme... Ah, oh, ouais, c'est ça, une fée. C'est vrai c'est et pas vrai. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme, elles sont là, elles se cachent, tu sais. Quand tu vois un insecte, c'est peut-être pas un insecte, finalement, c'est une fée. C'est ça, c'est génial, ça. C'est un peu Del Toro, de dire, ouais, je vais mettre une fée, là, mais ce sera pas une fée comme vous pensez que vous avez déjà vu. La clochette, là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai un petit parti pour Julia Roberts dans Hook, en tout cas. Oui, mais reste qu'elle n'est pas censée t'amener dans un labyrinthe qui peut te tuer. Non, puis tu sais, je veux dire... Elle s'est coupée en deux. Oui. Elle s'est coupée quand même en deux. Oui, puis tu sais, les fées de labyrinthe de Pan, t'es pas supposé de les désirer, tu sais. Tu les trouves pas sexy. C'est ça, les craintes. C'est ça, les craintes. Malgré que des fois, Julia Roberts, tu regardes les covers de magazine, t'as craint un peu, là, mais en tout cas, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Sur Wikipédia, il y avait, ou sur IMDb, je voyais quelque chose qui disait que Del Toro avait regardé le film avec Stephen King assis à côté de lui. Puis il dit, durant la scène de Log qui court après Ophelia, Stephen King, il n'arrêtait pas de s'ajuster sur son siège, il était inconfortable. Il avait l'air de. Il dit, ça c'est ma paye, ça, c'est génial de voir Stephen King. Faire peur à Stephen King. Mais, ouais. Peut-être parce que je l'ai vu le film trop tard, puis depuis ce temps-là, on a vu plein d'affaires qui étaient vraiment épeurantes dans le cinéma d'horreur et tout ça. Cette scène-là m'a pas vraiment inquiété. Ça peut être inquiétant pour elle, mais ouais, mais je le vois tard, le film. Je le vois 11 ans plus tard. Je sais pas. Moi, j'avais peur. Moi, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, c'est l'héroïne du film. On est en plein milieu du film. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Je sais pas. Qu'elle se fasse bouffer un pied. Ben, c'est surtout. Moi, c'était plus un genre de Christ, quand veux-tu bien t'en aller? Ouais. Là, tu sais, puis après ça, tu te dis, où elle va être prise là, puis tu sais, elle sera pas capable de s'en sortir. Il va falloir que. Parce qu'il y a comme un sablier qui s'écoule. D'ailleurs, tu te dis, pourquoi est-ce qu'elle marche? Pourquoi est-ce qu'elle court pas? Quand elle se rend. Mais non, mais tu sais. La... Mais ça reste aussi un compte. Oui, ça reste un compte. Ouais. Fait que tu fais comme l'héroïne d'un compte, c'est rare que. Puis c'est la seule chose que je regrette un peu de mes deux films, mes deux choix, c'est que j'ai pas été servi dans le niveau, au niveau de l'horreur. Parce que on oublie ça pour House, mais on en parlera tantôt. Mais dans ce film-là, c'est elle a dit, j'ai dit, je m'en vais écouter Labyrinthe de Pan. Moi, il n'est pas question. J'ai vu leur scène avec le gros pis ses yeux, puis moi, je reverrai jamais ce film-là. Ma blonde chose, aussi. Elle... Ouais, mais. C'est effrayant. Parce qu'on le voyait toujours à la TV en 2006-2007, puis je sais pas. Moi, j'avais vu zéro image. J'avais vu zéro image de ce film-là. Je suis même pas sûr que je savais à l'époque qui était Guillermo del Toro. Là. C'est ma blonde qui est allée au cinéma qui avait dit « Sébastien, écoute ça, parce que moi, je pensais que j'allais voir un film pour enfants. » Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Comment je l'ai vécu, puis tu sais, qu'est-ce que ça fait 11 ans de différence quand tu vois un film? Que tu as vu toutes les images quasiment du film depuis ce temps-là dans différents reportages, des bandes annonces, peu importe, sur des posters. Puis... Mais ça aurait pu être plus chronique de Narnia quand même. T'sais, ça aurait pu être plus proche des chroniques de Narnia. J'ai été surpris par la violence des scènes de guerre. Ça, j'ai été surpris par la violence des scènes du capitaine. Ils bouffent les filles! L'ogre, il bouffe les filles! J'en reviens à mon problème de CGI, ça reste. Pour moi, le CGI, ça reste un genre de gros dessin animé pour adultes. Puis, chaque fois que je vois ça dans un film, c'est comme le nouveau film Okja qui est sur Netflix. Ouais. Ça reste un dessin animé pour moi. Je peux pas être touché par ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est comme... Mais je rentrerai pas dans ce débat-là. Non, on l'a déjà eu, puis tu perds. J'aime pas. Dans cette phase. Je m'en fous un peu de ce qui se passe aux filles. T'sais, c'est ça. T'sais. Mais les gens qui se font péter à la face ou les doigts ou peu importe, t'sais, c'est différent. C'est du vrai monde. Je sais que c'est pas vrai. Ça reste que c'est des vrais acteurs qui. Mais l'autre qui se fait couper la jambe, tu sais, que t'es comment, mon. Oui. Mais non, c'est ça. Ouais. Mais. Je pense que son but. Il y a ça aussi dans son film. Ce que j'aime, c'est que sa première scène de violence, c'est la scène de la bouteille. Jusqu'à ce moment-là, tu fais comme « Ouais, le capitaine a l'air d'un gars méchant. Ça n'a pas l'air d'être un bon doute, tu sais. Je pense qu'il n'a pas l'air sympathique. » Et là, arrive ça, et là, t'es comme... C'est comme si Del Toro, il te regarde écouter son film, puis après 15-20 minutes, il te calisse une claque sa gueule, puis là, après ça, tout le long du film, il a la main dans les airs. Puis c'est comme s'il faisait « Il peut en avoir un autre n'importe quand, man. » Ouais. C'est comme si claque d'en face, puis là tu fais oh shit, ok, non, là je sais plus où on s'en va, je sais plus où le film, jusqu'où ce qui peut aller. Là. T'sais, c'est comme watch toi, man, t'es pas safe avec nous autres. Là. Il peut se passer des affaires horribles. C'est vrai. Mais ceci dit, puis encore là, c'est la différence de temps qui a passé, tout ça, puis le fait que. Je vais comparer avec un autre film, mais l'autre film, je l'ai vu quand il est sorti. Ouais. C'est Inglourious Basterds. Le personnage de Christoph Waltz, qui est complètement débile. Puis lui, j'ai cet effet-là que tu viens de décrire. J'ai comme, je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas. Je suis nerveux, je me ronge les ongles, je sais pas. Ce qu'il va faire tout le long du film. J'avais moins ce feeling-là avec lui, même si lui, dans Labyrinthe de Pan, il jouait avec plus de subtilité, entre guillemets, c'est pas Christophe Ward. C'est pas, c'est pas l'extravagance, là. Il y a plus de réalisme un peu dans les scènes, mais ça reste que j'étais plus nerveux à Inglourious Basterds, mais c'est parce que j'ai vu les films dans le désordre et à une grosse distance. Là, mais je comprends, ton parallèle est bon. Ton parallèle est très bon. Vicky a l'air de réfléchir. Spoilers? Non, Vicky a quelque chose à rajouter? Non, mais j'allais dire, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec le parallèle, mais reste que le personnage que Guillermo del Toro a réussi à créer avec le capitaine est plus inhumain encore que celui-là d'Inglourious Basterds. Inhumain? Ben, je veux dire, il est sadique, là. Quand il dit « Je te laisse partir si tu comptes à trois sans bégayer », c'est sadique en Christ. Mais tu penses-tu qu'il aurait laissé partir? Je sais pas, mais je pense qu'il savait, ouais. Moi, je pense qu'il savait qu'il serait pas capable. Fait que je pense qu'il s'est même pas posé la question de « Qu'est-ce que je vais faire si c'est réussi? » C'est juste « Je vais lui donner une graine d'espoir. » Tu sais. Ouais. Je vais le rabaisser avec probablement, tu sais, puis il est sadique, là, cet homme-là. C'est plus sadique puis inhumain parce que c'est grandé dans quelque chose de plus réel que l'autre film avec lequel je compare, là, qui est une parodie. Là. C'est très drôle de dire que le labyrinthe de pain est grandé plus dans le réel qu'Inglourious Basterds, mais c'est vrai pareil. Et c'est vrai quand même, c'est pareil, tu sais, quand ils sont autour de la tête, puis... là, t'as des femmes qui ont dit, eux autres, ils parlent trop, puis ils sont tellement volages, tu sais, sont un peu nonones. Puis là, ils disent comment ils vous êtes rencontrés. Puis là, la maman raconte comment ils se sont rencontrés, puis le capitaine la coupe en disant, les frivolités de ma femme, elle pense encore que ça l'intéresse les gens quand elle parle. Puis t'es comme, c'est ta femme qui parle, puis tu la traites comme ça, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose comme là, tu sais. Tu comprends que dans sa tête, il a juste vu une femme qui allait donner un fils. Puis après ça, tu te dis, j'ose même pas croire ce qui va se passer si elle donne son fils. Qu'est-ce qui va se passer avec elle et sa fille à cette heure? Tu sais. Il va les jeter. Ben, là, il, tu sais. Il a même pas versé. Je suis sûr qu'il a pas versé une larme quand elle est morte. Là, tu sais, là. Spoiler! La mère, malheureusement, on le voit venir et on est comme non. C'est triste. Mais écoute, Jeff, avant d'aller en spoilers, on y va avec nos recommandations puis tu nous annonces la musique. De toute façon, la section spoilers est à la fin de l'épisode. Oui, d'accord. Recommandation, je l'ai emprunté à ma bibliothèque, mais je pense que ça vaut une location et peut-être même un achat. Mais je vais y aller avec une location. Nos vieilles recommandations, là, on disait location, fait que je vais aller avec ça. Ouais, location, ça vaut à peine d'être vu au moins une fois, et sinon plus, là, selon Sébastien, ça vaut à peine d'être vu des dizaines de fois. Vicky, oui, excuse. C'est un achat, 100% achat. Il y a été pendant un temps sur Netflix. Il ne l'est plus, j'ai vérifié. Si vous êtes comme Jeff, qui ne l'avait pas vu, donc vous avez peur de rater votre hype, peut-être vérifiez, puis s'il revient sur Netflix, écoutez-le. Mais si vous êtes comme, mais ça, je l'ai vu dans le thème, j'avais bien aimé, achetez-le pour le réécouter. Ça va à peine. Moi, je vais faire un Steven de moi, OK? Moi, je peux pas me le permettre. Puis, à mon HMV, il l'avait... ça, puis je l'ai spoté jusqu'à la fin d'un spéciaux de fermeture, puis je me disais un jour, quand ça a été écrit 75%, c'est sûr que personne va avoir acheté ça, mon œil. Il y a la trilogie en Criterion Blu-ray de Chronos, Devil's Backbone et Labyrinthe de Pan, qui selon moi sont les trois meilleurs films de Del Toro. C'est 90. Mais c'est un Christi de beau coffret. Sérieusement, c'est un des plus beaux coffrets que j'ai vu. Je me dis, si je pouvais me payer un cadeau de Noël, ce serait ça. Mais je fais pas. Tout ce que tu l'as sur ton étagère, chaque fois que tu passes, t'as une érection. Là, tu passes devant. Là, écoute, tu sais, je demande à ma blonde, tu pourrais-tu te le taper dans le front pendant qu'on fait l'amour? Hey, c'est lui qui m'a eu. Il a ouvert la porte. Ouais. Fallait que tu upgrades. Hein? Ben, c'est fallait, ça, regarde. Ouais, pas le choix. Veux-tu upgrader, Vicky, ou ça va? Tu me laisses là-dessus. Non, ça va. Le vous louerez dans le front de ta blonde, je peux pas aller plus loin que ça. Ah, mais non, sinon, si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Mais non, un achat, moi, c'est sûr et certain. Tu nous avais-tu trouvé une toune, Jeff? Non, je voulais te demander, t'as-tu quelque chose dans le soundtrack que tu voudrais faire jouer de ce film-là? Ou genre le thème, ou la berceuse, ou je sais pas trop. La berceuse, là, mais... Ça va endormir tout le monde? Hein? Ça va endormir tout le monde? Non, je pense pas. Je me rappelle pas des titres, mais ça va être une toune de la trame sonore. C'est tout ce qu'on se dit. Alors, on écoute une toune de la trame sonore, puis on revient avec House. House City. How soon? À la fin des épisodes, on dit tout le temps « gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Donc, on y va avec notre deuxième film de la soirée. Et avant qu'on commence, je vais juste dire que si un jour, d'après ce que le film m'a appris, le film dont on va parler, si un jour vous vous retrouvez dans une maison mystérieuse, en groupe, puis que quelqu'un disparaît, c'est probablement qu'il joue à cachette. C'est sûrement ça l'explication. C'est sûr, c'est la seule explication logique. Oui. Donc, le film est House ou Haosu du réalisateur Nobuhiko Obayashi, que j'ai probablement massacré. Ça met en vedette plein de personnes dont je ne donnerai pas les noms, mais qui sont en général, ben, je pense dans la majorité, ce sont toutes des amatrices, des actrices amateurs, qui étaient en fait des modèles, des mannequins de commerciaux qui avaient travaillé avec le réalisateur dans les années 70. C'était toutes des jeunes filles, genre de 16, 17, 18, 19, 20 ans. Et donc, on suit. Moi, j'ai vu la version Criterion. Je dois le mentionner parce que les noms sont différents. J'ai vu à quelque part que le nom du personnage principal était Angel, mais dans la version que j'ai vue, c'est Gorgeous. Non, j'ai vu Gorgeous aussi. Moi, c'est Angel sur iTunes. Ah, OK. Non, c'est bon à savoir. Fait que on a Gorgeous, je vais la nommer Gorgeous pour les besoins de la cause, mais c'est ça, elle était supposée partir à quelque part avec son père en vacances, tu sais, à quelque part, puis son père s'est trouvé une nouvelle blonde, fait qu'il dit ça, c'est maintenant ta mère, puis elle ne veut rien savoir de ça, la jeune Gorgeous veut rien savoir de ça, fait qu'elle va rejoindre ses amis, puis finalement le plan tombe à l'eau aussi, le plan de vacances, fait qu'ils vont tous décider d'aller chez la tante de Gorgeous qui vit tout seul dans une maison au loin. J'ai peut-être pas mentionné que c'est un film japonais, là. Je pense que ben, avec le réalisateur, le nom du réalisateur, on pouvait peut-être le savoir, mais c'est ça, ils partent tous en quelque part dans la campagne japonaise, dans cette maison-là. Les sept filles, telles des sept nains, ont tous des noms comme Gorgeous, puis Prof, qui est comme le Schtroumpf à lunettes. Sweet, Mac sweet, pour estomac. Fantasy. Fantasy, Kung Fu. Mac, qui est celle qui mange tout le temps, Kung Fu, qui est la combattante, tu sais. Puis, c'est ça, chez la tante, ils vont se faire accueillir par elle, la tante qui vit tout seul, Mélodie, oui, qui joue de la musique. C'est ça, la tante qui est en chaise roulante, tout ça, puis qui a un chat qui s'appelle Blanche. Puis, ben, à partir de là, il va se passer plein de choses mystérieuses. Puis, quelle couleur, le chat? Il est blanc. Ah, il y a aucun nom qui est laissé au hasard. Non. Donc, j'ai mon opinion parce que c'est ma liste. Comme je disais tantôt, au début de l'épisode, j'ai dit les deux films m'ont surpris par rapport à mes attentes. Parce que j'avais vu la bande-annonce, puis vous allez me dire que si on voit la bande-annonce, on s'attend déjà à ce que ce soit un petit peu loufoque, mais j'espérais quand même qu'il y ait de l'horreur dans le sens où on voit des scènes où, à un moment donné, on voit une fille dans la bande-annonce, on voit une fille dans son bain avec des cheveux qui lui montent sur l'épaule. Ça me faisait penser à The Grudge un peu. Tu sais, il y a des scènes que je me dis, ah, on voit peut-être là la genèse du cinéma. Je cherche le mot, mais en tout cas, le G-horror. Le G-horror, ouais. J'imaginais un peu que ça serait ça. Puis j'ai été complètement déçu par rapport à mon attente d'horreur parce que c'est une comédie d'horreur, c'est pas... Il n'y a pas de scène horrifique dans ce film-là. C'est complètement... Si un film pour lequel... C'est un film qui a été inventé pour l'expression « what the fuck », c'est bien lui, là, tu sais. Quoique, si Steven Tyler pourrait peut-être nous dire qu'il y a d'autres films japonais qui sont plus fuckés que ça, je ne sais pas. Il serait très inculte, puis il dirait « non, voilà, t'as peur. » Mais je serais vraiment surpris qu'ils nous disent... Je serais vraiment intéressé qu'ils nous disent où se situe ce film-là par rapport, tu sais, aux autres... par rapport à la culture japonaise, par rapport au cinéma japonais des années 70 et même plus large de toute l'histoire du cinéma japonais. T'sais, comment ce film-là s'inscrit dans tout ça? Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était le premier film japonais à utiliser des effets spéciaux. OK. Des effets visio spéciaux, tout ce qu'ils font sur la pellicule. Là. Ouais. Genre, il y en a une qui est dans l'eau et qui fait comme disparaître. Là. Tout ce genre d'effet-là, c'est la première fois que ça a été utilisé. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, tu regardes ça, tu fais... Dès le départ, le montage est complètement... Il fait des choses qui se peuvent pas. Le rythme est fou, les transitions, c'est n'importe quoi. C'est OK, soit que j'embarque, soit que j'embarque pas. Là, je vais embarquer, là, j'ai le goût d'avoir du fun, puis je pense que ça a l'air le fun. J'ai trouvé que les 20 premières minutes, 30 minutes... T'sais, au début, je trouvais ça le fun, puis après 20 minutes, 30 minutes, je trouvais que ça s'étirait. J'ai dit, oh, ils vont-tu arriver à la maison à un moment donné, là? Puis une fois rendu à la maison, là, ça a repris le rythme un peu. C'était comme, OK, là, il se passe des trucs drôles. Puis, tu sais, ça fait aucun sens. Ça n'en fait, mais en même temps, ça n'en fait pas. Puis les effets spéciaux sont tellement... C'est tellement n'importe quoi que tu fais, OK, c'est bon. Puis en même temps, c'est pas bon. Mais je sais pas où je me situe là-dedans. Je sais pas quoi en penser. Parce que tout le monde a l'air de dire que c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Moi, je suis comme... Je sais pas quoi en penser. C'est quand même un critérion. Oui, c'est ça, il y a un critérion, mais je savais pas pantoute où me situer tout le long du film, puis j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça, il y a des bouts qui m'emmerdaient. Dans l'ensemble, je pense que j'ai aimé ça, j'ai eu un certain fun, même s'il y a des bouts qui m'ont vraiment ennuyé. On dira à la fin si on le recommande ou pas, mais je l'ai vu hier soir, puis je sais toujours pas où je me situe par rapport à ce film-là, ça vient tellement d'un autre monde, là, tu sais, on parlait de l'imaginaire des enfantins dans le premier film un peu, tu sais, mais ce film-là vient vraiment littéralement de ça, parce que le réalisateur a demandé à sa petite fille de lui donner des idées de choses qui lui faisaient peur, puis il a quasiment tout intégré dans le scénario, puis il a voulu que les effets spéciaux soient comme ça, tu sais, enfantins et tout ça, tu sais, grotesque et basique, tu sais, fait que tout ça c'est voulu, fait que tu regardes ça en sachant ça. Puis j'ai su ces informations-là après. Là, j'y repense, je fais « OK, ouais, c'est quand même couillu d'avoir fait ce film-là de même, tu sais, puis d'avoir pris une chance comme ça. » Puis c'est la Toho qui a fait ça, la compagnie qui a fait Godzilla, puis plein de grands films japonais. Fait que tu fais « C'était pas n'importe quoi, tu sais. » Eux autres, ils ont commandé ce film-là en disant on a vu Jaws, on veut que tu nous fasses un film comme Jaws, puis il a fait quelque chose de complètement what the fuck, qui ressemble des fois à du Ken Russell. On parlait de Devils tantôt, mais Ken Russell, dans sa période plus Tommy, Litso Mania, en tout cas des films de 75, 76, plus fucké, là, tu sais. On est vraiment dans cette période-là, dans cette disque, que tu fais des. T'as un mélange de n'importe quoi. T'as un gars qui se pogne les fesses dans un sio puis qui reste pogné puis qui dit va à l'hôpital comme ça. Puis t'as du slapstick puis de l'horreur. Puis là, t'as un enfant qui fait du drum sur le sio. Sur le sio, c'est ça, t'sais, sur le sio. Puis là, après ça, t'as un autre qui dit bon, j'en veux pas de tes melons d'eau. Oui. Puis le gars, il désintègre. Puis après ça, il fait ah non, il y a des bananes partout. Puis il y a des bananes partout. Puis là, t'es comme quoi? Puis là, après ça, il est transformé en banane. Tu sais, what the fuck? T'as la trame sonore qui est jouée par un groupe de rock japonais qui je l'écoutais, je vais le dire, je l'ai downloadé à trame sonore, là, mais je l'écoutais, puis j'étais comme, ça passe du blues au rock, au jazz fusion, puis j'étais, c'est donc bien fou ce film-là. J'aime ça, je pense. Je pense que j'aime ça. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais du tout. Fait que c'est un film qui va gagner à ce que je le réécoute un jour en sachant à quoi m'attendre, je pense. On va discuter plus longuement. Là, allez-y avec vos résumés d'opinion. Vicky? Non, Seb? Je vais y aller. J'étais un peu comme toi, JF. Je savais pas à quoi m'attendre. Moi, ce film-là, je l'avais déjà débuté il y a un an. débuté dans le sens que je suis arrivé un soir et je me suis dit, je vais l'écouter. Et là, un moment donné, dans son what the fuck, il m'a perdu. Je me suis endormi. Puis je l'ai jamais recontinué parce que toutes les fois je faisais comme t'as peu là, qu'est-ce qui s'était passé dans ce film-là, je me rappelle de plus rien. Fait que je peux comme pas le reprendre. Fait que là, j'étais content de pouvoir le réécouter. Fait que je savais dans quoi je m'enlignais. J'avais peut-être les 30 premières minutes d'écouter. Et finalement, je savais même pas dans quoi je m'enlignais. Même en ayant vu les 30 premières, tu sais, je suis quand même arrivé avec un gros what the fuck. C'est le fun de voir un réalisateur qui essaye des trucs. Mais des fois, ce serait le fun de voir un réalisateur se rendre compte qu'il y a des trucs qui marchent pas. Une scène au ralenti. Il y a comme une scène de Manus qui sauve ou je sais pas trop quoi, mais tu sens qu'il a diminué le nombre d'images secondes ou je sais pas quoi. Mais puis là, Manus, j'étais comme... C'est ma copie qui est scrap? Mais là, la scène, à Manus, a fini puis le timing, il revient normal. Mais tu fais... Mais pourquoi qu'il a fait ça? T'sais, des fois, j'avais comme de la misère à m'abandonner à ça. T'sais, à dire, regarde, il fera ce qu'il veut. Je vais juste apprécier le film. Sit back and relax. Tu peux pas faire ça. Parce qu'il vient comme tout le temps à faire comme, non, non, non, check back ce que je vais faire. Puis t'es comme, non, c'est what? Pourquoi t'as fait ça? Tu pensais que t'étais à l'aise? On va mettre je vais le dire tout de suite, là. On va mettre des seins injustifiés de jeunes filles que t'es comme... Non, je me sens pas à l'aise. J'ai comme l'impression que tu montes des seins pour en montrer, puis ça, j'aime pas ça. Ça, c'était un point négatif que j'ai oublié de mentionner, mais ça me dérange un peu. À la limite, la première scène dans le bain, c'est correct, là. Oui, à la limite, oui. Mais après ça, tu vois que c'est un petit peu plus du voyeurisme, là, tu sais. Puis le fait que la fille Kung Fu, j'ai checké son âge, elle avait 17 ans au tournage, puis elle passe le film au complet en bobette. Je me dis... Sérieux, là, elle était bien là-dedans, elle. Elle était... Si c'est une modèle, elle est habituée de poser probablement en petite tenue déjà, ouais. Fait que c'était rien de plus rire que ce qu'elle fait déjà. Je sais pas, là. On présuppose. Mais sinon, c'est sûr que ce scénario-là part de tous les bords. À un moment donné, tu fais juste comme, garde, le film va finir. Ben, il part dans tous les... Ouais, c'est juste que... Scénario. Ouais, écoute... une série de scènes qui... Ah, qui ok, sont... merci. Merci. Mais tu sais, des fois, son montage n'a juste pas de sens, tu sais, là. Puis c'est des choses que j'ai déjà vues ailleurs, mais à petite dose. Son montage? Il y avait un gars qui tapait sur le clavier. Non, c'est vrai, c'est pas un clavier à l'époque. C'est pas un clavier, fait que... Non, il prenait juste... Il avait ses pellicules, puis il prenait des ciseaux, puis il faisait une gueule. Là, Steven est en train de rager, il nous écoute, et là, il capote, il est comme... Il a fait comme... Hey, ces deux-là, ça irait bien une par-dessus. Ouais, c'est ça que t'as dit. Par-dessus. Ça va, ça, là. Oh, hey, il y a du, la surimpression, là, la scène de piano où la fille est en morceaux. Ah. Hey, je suis capable d'y mettre une par-dessus, puis ça joue quand même. On va continuer. Le bout, ce que la fille joue du piano, puis elle se fait manger par le piano, tu sais, puis elle fait comme hey, j'ai plus de doigts! Puis t'es comme. Ah! Puis là, au début, t'es comme what the fuck, c'est bien drôle! Ha ha ha! Elle se fait bouffer par le piano, puis à un moment donné, t'es comme. Elle baise avec le piano, elle se fait violer par le piano. Là, j'étais comme. J'ai comme plus de fun. Il y a comme plein de moments, des fois, que je fais comme ah, là, j'ai plus de fun. Mais tu sais. La tête qui sort du puits, qui mord les fesses de l'autre. C'est malade, tu ris. L'autre qui rentre dans le frigidaire, qui ressort proche de la caméra, puis qui nous regarde comme « Hein? Je suis là? » Comme tabarnak. Mais ça, c'était vraiment les moments les plus drôles. T'sais. Il y avait d'autres moments où je riais pas. J'appréciais pas ça plus qu'il faut. Mais c'est ça. Fait que c'est comme un film que je vais peut-être réécouter à cette heure en sachant qu'il va y avoir des... Là, tu vas dire « Un film? » Je te voyais te donner. Un film? Mais c'est ça. À ce temps, je sais à quoi m'attendre, mais je sais pas à quel point je vais le réécouter. Vicky, on veut savoir qu'est-ce que tu pensais de ce... Film, c'est par la traduction du mot pellicule. Cet assemblage de pellicules. Mmh. Ben écoute, c'est du motion picture. C'est des images qui bougent. Si le catalogue Sears avait dû faire un film, ça aurait probablement ressemblé à ça. Ah, oh, c'est drôle! Quand on est jeune, qu'on en va passer encore, là, les photos que nos parents nous font prendre avec trop de décors puis un peu de vapeur. D'ailleurs, il y a un abus de ventilateur. Là. Il y a un abus de ventilateur. Oui. C'est... Tous les cheveux au vent, il n'y a pas de vent. Tu dis, est-ce que... La belle-mère a quasiment le foulard d'en face. Dit, oui, ah okay. Oui! Tellement, puis tu sais, il y a comme beaucoup de ralentis, tu disais, mais les ralentis sont souvent comme la face dans un rond de vapeur, rose et mauve, isolé, dans ce cadre-là, puis t'es comme, hey, lui, il avait des filtres Instagram à essayer. Ah, il y a des transitions, fucky, c'est fou. Hey, une scène, souvent, même. Il va mettre ses personnages qui vont venir faire des présentations à caméra quasiment. Tu me présentes avec le nom. Ben, quand ils nomment toutes, ils passent toutes l'un après l'autre. Hey, en faisant un petit catchphrase. Il y a des bouts du film, on dirait une annonce de Juicy Fruit au début, dans la première demi-heure. C'est là, tout le temps, il ne se passe rien, ça saute d'un point à l'autre. Il y a un bout à un moment donné, elle dit quelque chose, puis ça saute carrément autre chose. J'étais comme, hey, j'ai-tu manqué? Je recule, c'est vraiment dans les tout débuts, là, je recule le film, je fais, ben non, ils ont juste sauté. C'est quand elle dit à la belle-mère, non, je ne vais pas avec toi, coupe, on arrive dans la salle de classe. Là, t'es comme... Ben, habituellement, t'as comme la réponse de la belle-mère ou le père qui dit « Pente ta gueule, tu y vas quand même. » Non, on a coupé ça là parce que non. Parce qu'il y avait de la pellicule de trop. Fait qu'on s'est dit « On va la prendre on va la réutiliser à la fin. » C'est un réalisateur de pub, hein. Il est obligé de faire des petits bouts. Des petits 30 secondes. Le film, là, est épouvantable. C'est genre de film qu'il faut pas que tu commences avec ton téléphone dans les mains. Parce que Facebook va être plus intéressant, même si tu lis des pro-Trump. Ça va être... L'affaire, c'est que le film a des très bonnes idées, des très bons plans humoristiques, mais c'est que entre ces histoires-là, ça a tellement ni queue ni tête que si tu pars justement dans ta tête, là, même pas besoin de ton téléphone, là, si tu fais juste penser à ta liste d'épicerie puis tu reviens, tu sais pas ce qui s'est passé, ouais. T'as tout perdu. Puis en fait, tu recules, ça fait « Oh fuck, man, j'ai manqué un bout, je vais reculer. » Puis là, tu te rends compte que finalement, t'as rien perdu, fait que tu frustres. Fait que ce film-là est vraiment frustrant parce qu'il se passe... Il y a tellement pas d'histoire, de scénario, de diégèse, de récit, donne le synonyme que tu veux, mais structure, en fait. Ce film-là a tellement pas de structure que t'en perds une seconde, tu perds tout, mais tu te rends compte que tu perds rien. Fait que pour les prouesses techniques, c'est rigolo. Mais c'est le genre de film que si vous réécoutez, les gars, faites-moi un montage abrégé, je vais écouter ça, je vais être bien content. Ça vous tente-tu? Faites-moi un nouveau montage. Le pire, c'est qu'il y aurait moyen de faire un montage abrégé qui pourrait être très intéressant. Ça serait plus enchaîner les scènes de mort et de découverte de mort, puis un peu enlever de... Il y a un flottement dans le milieu, Manu, parce que t'es comme... Toute la part sur ce qu'ils sentent en danger, puis qu'ils sont pas... Ils sentent pas vraiment en danger, puis que là, tu sais, t'es comme jamais en train de... d'avoir d'empathie pour eux autres parce que t'es comme, ils sont tellement nuches. Même la prof, là, même prof, pas la prof, mais bon, prof, oui. Tu la regardes, t'es comme, hey, c'est supposé être la brillante de la gang, là, mais c'est probablement la plus noire, tu sais. Moi, tout ce que je me disais, c'était, je veux pas que Kung Fu meure. C'était la cool, la fun, la gang. Oui, c'était comme celle-là qui était badass, tu sais. Ouais. Mais, moi, je m'en foutais, moi, de Gorgeous, puis sa meilleure amie, puis tout, en tout cas. T'sais. Je n'étais pas assez attachée au. Mais moi, sérieux, je suis vraiment partie dans ma tête. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. Fait que je suis vraiment partie dans l'une, souvent. Puis après ça, à un moment donné, je me suis tannée de reculer parce que je me rendais compte que je perdais rien. Puis tout ce que je voulais, c'était les moments forts, comme le piano, comme ci, comme ça. C'est tout ce que je voulais, comme la vieille madame qui mâche. Puis là, finalement, tu te rends compte qu'elle mâche un œil. C'est drôle, tu sais. C'est ça, c'est celle-là, c'était malade. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, le film, j'ai comme écouté la bande-annonce ce matin, je savais pas c'était quoi. J'écoute la bande-annonce ce matin, au début, je suis comme, ah, oh, un film japonais de 77, j'ai-tu vraiment envie, là, je suis fatiguée, je vais m'endormir. J'écoute la bande-annonce, je fais, ok, non, je veux vraiment voir ça, c'est trop magique, c'est sûr que je vais triper. Là, j'écoute le film, je me dis, ok, c'est correct, un début lent. Mais là, je me rends compte, c'est pas un début lent, c'est un début qui sert pas à grand-chose, c'est un début guimauve un peu, là, tu sais, sucré puis lourd, là. Ah oui. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait, ah, oh, non, finalement, c'est vraiment c'est, ce que ben, je pensais. C'est une histoire, tu sais, il y a pas d'histoire, il y en a une, mais tu sais, c'est une histoire super classique, dans le fond, tu sais, la gang qui s'en va dans une maison hantée, tu sais, puis ils vont passer avec le gars qui vend des melons, qui est comme le garagiste, Crazy Ralph, là. Ouais, le Crazy Ralph de Friday the 13th, tu sais, qui est comme, c'est ça, c'est la même structure que toutes les, ben, tu sais, il est arrivé avant les Friday the 13th, puis ben des films, là, mais ça reste que, finalement, c'est un début, comme tu dis, qui est allongé pour rien, 20 minutes, une demi-heure avant qu'ils arrivent à la maison. C'est comme, mais je m'en fous de ces filles-là, puis de leur drame, puis de leurs petites histoires, puis surtout les melons. Oui. Puis surtout qu'après ça, quand ils débarquent l'autobus à arriver là-bas, ils se font juste justement la pause qu'ils ont chacune le nom, avec le petit clin d'œil à la caméra, puis tu viens de comprendre qui sont ces personnages-là juste avec ça, tu sais. Fait que t'en as pas besoin de plus, surtout que l'introduction que t'as tout au long du début est plus ou moins ramené dans le film, à part pour ce qui est de Gorgeous. Ouais. Les autres, c'est aucunement utilisé. C'est ça le pire, c'est tous des personnages unidimensionnels. Fait que t'as même pas besoin de toute cette intro-là. Mais non, mais c'est ça, c'est que t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin qu'ils sortent du coq-à-l'âne. Mettons, tu peux commencer direct à la maison. Là. C'est ça, pis tu sais, comme il y a une scène, comme quand elle annonce à son père qu'elle veut aller là, pis son père dit ben non, parce que j'ai une nouvelle femme. Tout le décor a l'air peint main, là. Tu sais, c'est vraiment fait dans un studio. Top modèle. Je veux dire, top les modèles, feux de l'amour. Tu sais, comme les portes sont ouvertes comme vers l'extérieur pour te faire croire que t'es sur une galerie, mais tu sais, c'est pas vrai. Non. Tout a l'air faux. Ah, il essaie jamais de faire du réalisme. Quand ils sont avec le vendeur de melon, tu sais, on voit, il regarde le château, puis tu vois très bien que c'est un écran vert, tu vois le contour autour d'eux, là, tu sais. Oui, tout à fait. Ben, même quand la belle-mère, elle arrive à la fin aussi, c'est comme ça. Oui. Mais tu sais, on dirait que j'étais prête à l'accepter si tu le vivais, si tu acceptais ça. Mais là, on dirait que c'est comme, la scène n'a pas rapport avec ça. Puis quand que les personnages parlent, on fait des gros plans vaporeux autour de leur face. Et je suis comme, OK, vous acceptez même pas que vous êtes dans un décor peint. C'est même pas comme dit, là, tu sais, comme le cœur a ses raisons, là. C'est même pas comme assumé. Ça m'a gossé, c'est tout. Je veux vraiment mentionner la transition de scène avec la porte qui ouvre. Où est-ce que tu vois une scène, je sais pas trop c'est quoi la scène, mais la scène d'après, c'est une fille qui rentre dans sa chambre et c'est... Plutôt que d'avoir une transition entre les deux, c'est comme si le décor s'ouvrait. Là, t'as la fille qui rentre dans sa chambre, mais elle est encore dans l'ancien décor, plus elle s'estompe pour faire la place à sa chambre. Regarde, c'était genre de raccord que j'étais comme... Ok, sérieux, ça marche pas. Là, mais bravo d'y avoir pensé. Là. Bravo d'y avoir pensé, mais c'est, ça marche pas. Ça a juste pas de bon sens. Mais c'est ça. Il y a des moments de même où t'es comme what? Mais c'est des beaux what parce que tu fais waouh, c'était trop inventif. Faut pas que je salue cette prouesse-là. Puis il y a d'autres moments où t'es comme what? Ah non, ah c'est. Tu sais, c'est ça. La scène ralentie, j'étais comme non, man, là, ça marche plus, là. Puis ton ralenti est vraiment trop long. Puis, à un moment donné, ils font pas du stop motion aussi, parce que les filles sont comme arrêtées, puis t'as la tente qui avance en stop motion, là. Ouais, oh, ça se peut. Oui, j'étais oui. comme, what? Puis en plus, pour un moment totalement inutile, tu sais, pas pour un moment stressant, ou pas pour même pas pour un effet, juste parce que ça y tentait de le faire. Des fois, t'as vraiment l'impression, c'est ça, le gars, il s'est pas posé de questions, il a fait comme, j'aimerais ça faire ça, ben fais-le. Ouais, mais je sais pas pour quelle scène. Ben pour celle-là, on va le faire celle-là. Qu'est-ce que tu veux, beau? On va faire là. Ouais, mais ça fait pas de sens. Ouais, pis. Du sens? Quand je fais des pubs, y a personne qui me parle de faire du sens. Mais... Non, c'est ça. Mais non, écoute. Tu sens le montage des pubs, là. C'est vraiment ça, c'est juste fou. Ah, c'est classe. Oh, oui. Mais c'est ça, j'arrive pas vraiment à l'haïr. Je mélange peut-être des pommes puis des oranges là, avec, je pense, la rigueur mortis. Ben, on avait dit, j'avais vu ce film-là, j'avais dit que je comprenais pas les codes de ce film-là. Puis je mélange peut-être des pommes des oranges, c'est peut-être pas un film japonais, je me souviens pas, rigueur mortis, c'est quelle nationalité. Mais. Ça me dit rien. Ouais, ouais. Ben, House, je mélange tout le temps les nationalités des films asiatiques. Mais House, ça, je comprends pas non plus les codes de ce film-là, s'il y en a, là, mais je les accepte. Peut-être plus parce que c'est loufoque. Je sais pas. Ça se prend pas au sérieux, effectivement. C'est sûr que t'as comme l'impression qu'à un moment donné, même si tu comprends pas les codes, est-ce que t'en as vraiment besoin? Ouais. De l'autre côté, j'aimerais quand même voir le film d'horreur qui est derrière ça. Ouais. Et pas qui est derrière, mais qui ça aurait pu être. Ouais, avec les scènes qu'on voit là, une fille qui se fait manger par un piano, telle affaire, tu sais, les cheveux dans le bain, puis tout. J'aimerais ça voir ça, mais en G-horror. Ouais. Quoique là, en 2017, G-Horror, ça marche plus vraiment, mais j'aurais aimé ça voir ça en 2003, genre le G-Horror de la possession de l'autre, tu sais. Ouais. Mais la question demeure, est-ce que ça l'aurait pogné autant? Parce qu'il faut que ça soit contrôlé. Là, c'est tellement pas contrôlé, c'est sûr qu'on s'en souvient. Oui, ça sort de l'ordinaire, ça sort de tous les cadres, surtout en 77, là, j'imagine qu'il n'y a aucun film qui ressemblait à ça, là, tu sais. T'allais au cinéma, il n'y a pas grand film qui ressemble à ça, là. Non, c'est ça. Non. Des fois, je pensais à du David Lynch, à du Ken Russell et tout. Tu sais, puis tu disais que ça, là, tu parlais du ralenti. J'ai vu ça dans Twin Peaks saison 3 aussi, une scène qui est comme... Le rythme est complètement fucké à un moment donné, puis tu fais... C'est-tu ma TV qui va pas bien, tu sais? Mais c'était voulu, tu sais, puis il y a ça dans House, puis... Je l'accepte, même s'il n'y a pas aucune raison derrière derrière le raisonnement. On dirait qu'il n'y a aucune raison derrière cette scène-là, mais je sais pas. J'étais peut-être de bonne humeur hier en le voyant. Comme des fois, tu sais, comme j'ai vu Thirst, et ça m'emmerdait, celui-là, j'ai du fun avec. Je sais pas, tu sais, il y a des films, des fois, tu le commences, puis t'es plus enclin à vouloir l'aimer. Là, ouais, mais en tout cas, ce film-là, dès la première minute, te montre tout de suite ses cartes là. C'est comme garde, je t'éclate. Je me cacherai pas. C'est juste que tu sais pas jusqu'où ce qu'il faut là. Il continue à te surprendre jusqu'à la fin, tu sais. Mais j'ai pas drôle d'épilogue où ce que t'es comme. Mais pourquoi j'ai ça là? Pourquoi? Là, j'étais comme, mais non, ça va-tu vraiment être ça? Parce que si c'est ça, j'ai aucunement besoin de ces 5 minutes de plus. Là. Genre, c'est non, long, bien. À part de voir le tas de bananes, ça, je les ris en esti. Mais ça, écoute, ça avait juste pas de crise de sens. Tout ça, en plus. Ah oui, merci, je m'en suis rappelé. Vas-y. L'ours. Hein? L'ours cuisinier ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Tu l'as vu, Jeff? Oui, j'essaie de me rappeler de la scène, mais c'est oui, le gars qui va se rendre jusqu'à la maison tout le long. Là. Oui, t'as remis. Il s'en va manger là, des nouilles, puis t'as le cuisinier, puis en arrière du cuisinier, il y a un ours. Ah, c'est cette scène-là, oui. Puis là, j'étais comme, déjà que la scène a aucun crisse de rapport dans ce film-là, parce que j'en ai rien à cirer du gars qui s'en vient tranquillement. Il fait juste manger des nouilles. Tu sais, c'est même pas genre, je vais vous parler de où est-ce que je m'en vais, puis je vais vous expliquer des choses que vous comprenez pas. Non, il mange des nouilles, puis en arrière du cuisinier, il y a un fucking ours. Oui, je me rappelle. Mais tu sais, parce qu'il y a un moment donné, j'ai fait le saut, genre, dans une scène, c'est full intense, full dramatique, puis un peu épeurant. Puis là, un moment donné, le gars, il arrive de même, genre, sur le côté, puis il mange son bol de nouilles, puis je suis comme, what the fuck, il vient d'où, lui? Et ça faisait un bout que j'étais parti dans ma tête, là. J'ai comme, wouhou! La transition est vraiment très brusque, là, oui. Oui, Chris, oui. Il est pogné dans le trafic. C'est ça, cette scène-là ne sert à rien parce que, mettons qu'on compare avec Demons de Lamberto Bava, pendant que la fille se passe au cinéma, tu as une gang qui arrive en char, puis tu es oui tout le temps, tu coupes tout le temps eux autres, puis ça fait du sens parce que tu sais qu'ils s'en viennent, tu sais. Mais lui, c'est comme. vraiment pas bien. Silent Hill, tu sais, où est-ce que t'as. C'est qui l'acteur qui jouait là-dedans? Je me rappelle plus. C'est qui? C'est. Tu sais, qui enquête sur Silent Hill pendant qu'elle est poignée là-bas, tu sais. Ça fit, là, tu sais. Mais ça, ça n'a aucun bon sens. Ah, non. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, j'allais dire ça tantôt, je sais pas si j'ai vraiment envie de le revoir, mais je sais que si je le reverrais, je l'apprécierais peut-être plus encore, parce que là, je saurais à quoi m'attendre. T'sais, là, j'aurais encore plus de fun, parce que tout le long, j'attendais quand même quelque chose de plus rare. T'sais. J'attendais quelque chose de plus rare. T'sais, peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait « OK, je vais décrocher », mais ça a vraiment pris du temps là, avant que je dise « OK, finalement, il n'y aura pas d'horreur là-dedans là. ». T'sais, à la deuxième écoute, Vicky, elle chercherait plus le film, elle chercherait plus le scénario, elle chercherait plus la. Mais moi, je vous dis, s'il y a une deuxième écoute, c'est une écoute condensée, c'est les best-of sur YouTube. Là. Ouais. Ben, je pense que oui. Moi aussi, c'est pour ça. Puis pourtant, c'est un film d'une heure 27, mais. Tu sais. Devrait bien passer, mais non. T'es pas mal. 45 minutes! Hein? C'est ça. On veut 45 minutes! Et hey, tout. Ça serait parfait. Un moyen métrage de ça, ça serait super. Enlève la première demi-heure, puis c'est déjà moins pire. Puis il resserre un peu Kung Fury, de blabla. Ouais. Le temps de Kung Fury. Le Kung Fury, ça part. Ben, il y a plus d'histoire dans Kung Fury, là, mais ça part d'une part. Il y a des affaires qui sont tirées par les cheveux. Il y a plus de scénarios, oui, mais on réussit à plus l'apprécier parce qu'il n'y a pas de longueur nécessaire. Mm. Là, lui, il y en a trop. Resserre ça, puis ah oh, oui, on va capoter, même si c'est mal fait, même si c'est ridicule, même si c'est de la surimpression. Il n'y a pas de fille à manier qui est transparente, puis on va du feu au travers d'elle, puis un autre qui est pris dans un horloge. Tu sais, c'est comme. Mais resserre-moi-le, puis on va triper, là. Toutes les filles qui disparaissent, là, comme Seb disait, le bout de mou un peu du film, des filles qui disparaissent, puis que, elle doit jouer au cachette, elle doit jouer à la cachette, j'imagine, puis ils vont la trouver. Ah, finalement, elle était là. Ben, ah, elle s'est déshabillée ici. Ouais. Tu sais, hey, l'autre a été mangé par le piano, puis là t'es comme ok, mais vous avez pas de l'air de capoter plus qu'il faut. Le ton du jeu d'actrice est bizarre. T'sais. Ah, notre ami est parti dehors pour aller nous sauver, puis là il arrive plein d'affaires. Pis, ah, ça doit être elle, mais même quand il la voit, t'es comme vous voyez bien que c'est pas elle. T'sais, c'est pas une subtilité d'un doppelganger qu'on est habitué de voir, là. C'est ça, je suis free, comme ça n'a pas de crise de sens. Puis d'autres sont comme, notre ami est là. En tout cas, hey, c'est ça. C'est. Ça fait pas de sens. Ça veut pas en faire. Mais ça devrait un petit peu plus en faire. Ou ça devrait. Clairement. Puis t'avais raison, Jeff. Là. C'est clair. Il faudrait savoir comment. Mon Dieu, excusez, il y a un vélociraptor qui est tombé devant moi. Ça a tellement plus de sens que tout le film! Mais, les vélociraptors qui tombent du ciel chez Seb. Ok, ouais, non, mais ouais, c'est ouais, j'accepte. Ouais, j'accepte. Ouais, il traite Jurassic Park, c'est sûr. Le gars mange des nouilles random, tabarnak. Avec un ours. Les vélociraptors, hostie que ça, j'y crois. Je vous montrerai mon plafond, il y en a partout d'accroché. Mais non, c'est ça, tu sais, je voudrais vraiment, comme tu disais, Jeff, situer ce film-là dans les années 70. Est-ce qu'il y avait beaucoup de what the fuck à l'époque? S'il y en avait beaucoup, est-ce qu'il était tout mal maîtrisé comme ça? Parce qu'on s'entend que le what the fuck, c'est quelque chose qui se maîtrise, tu sais. Tu peux pas faire du what the fuck juste en faisant je vais faire n'importe quoi, n'importe comment. Fait que si on me dit non, il y a jamais eu de what the fuck avant ce film-là, on n'avait jamais vu ça, je vais dire ok, bravo, t'es le gars qui est arrivé puis qui a débroussaillé le genre. Ou, mais le film russe là, qui nous avait fait écouter, là. Vie, là, ouais. Ouais. Puis c'était pas what the fuck, c'est à ce point-là. C'est quand non, il était... pas à ce point-là, mais... Il y a quand même déchiffré, défriché un peu le terrain, là, hein? Oui. Ouais. Mais, non, mais il n'y avait rien dans le montage ou dans le... Ouais. Comment la narration était claire. Beaucoup plus. Ouais. Mais c'est ça, comment House s'inscrit dans le cinéma japonais des années 70, puis pourquoi il se mérite une édition Criterion par rapport à d'autres films de l'époque par d'autres réalisateurs, d'autres films d'horreur peut-être de l'époque. T'sais, qu'est-ce qui fait que lui est si spécial que ça, puis si apprécié que ça des fans? T'sais, parce qu'on a parlé sur Facebook, puis il y a des gens qui ont fait « Ah oui, ah aussi! » puis tout. Puis tu regardes les gens, ils ont vraiment l'air d'aimer ce film-là. Puis en partie, je comprends, c'est tellement fou si t'aimes le cinéma expérimental ou qui sort des gonds, qui sort de tous les cadres, tu fais « OK, c'est vraiment... » Je suis content de l'avoir vu une fois dans ma vie, là, mais est-ce que ça vaut une édition Criterion? Est-ce que... Je sais pas, tu sais. Steven nous dirait qu'il y a un DVD et une édition sur Criterion, c'est chez eux, je suis sûr. Oui. Mais bon, tu vois, ça, c'était le genre de film que j'avais le goût de m'acheter aveuglément. Mm-hmm. Et la pochette est belle, tout. Oui, je suis content de ne pas l'avoir acheté aveuglément. Moi, je l'ai loué sur iTunes hier soir parce que ma bibliothèque l'a en DVD. Mais je l'ai loué sur iTunes parce qu'en ce moment, il est emprunté. Mais j'ai fait une réservation. Fait que dans quelques jours, quand il est réservé genre jusqu'au 25, là, puis quand la personne va le ramener, bien, moi, je vais pouvoir l'avoir. Fait que je suis curieux. Je vais regarder quand même le DVD. Je pense pas revoir nécessairement le film. Je vais peut-être passer au travers un peu des scènes pour revoir des bouts, puis regarder les bonus. Je suis curieux quand même de voir qu'est-ce qui se dit sur le film. Puis, ça, c'est sûr que ça peut être intéressant. Là. Criterion, mine de rien, il y a peut-être des questions qu'on se pose à soi qui sont les réponses sont toutes là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, Criterion, c'est ça, c'est pas tout le temps un gage de grosse qualité non plus. Il y a des trucs, ça reste subjectif. Le cinéma, c'est toujours subjectif. C'est ce qu'on fait à toutes les deux semaines. On parle de nos opinions. Puis, mais est-ce que ça valait vraiment un Criterion? Je sais pas. Ce film-là est tellement bizarre. Puis, la comédie est molle. Comme tu dis, les actrices sont pas si charmantes que ça, sont pas si drôles que ça. Tu ris pas tout le long. Puis l'horreur est pas là pantoute. T'sais. C'est une comédie d'horreur, mais c'est pas si drôle, c'est pas si épurant que ça. C'est comme... c'est une comédie qui utilise... ça utilise des thématiques d'horreur, là, des mécaniques de l'horreur, mais ça les maîtrise pas. Donc, tant qu'à moi, c'est pas Young Frankenstein, c'est pas le bal des vampires, c'est pas... Ah, exact, le bal des vampires reste que, tu sais, je sais pas moi, la scène du bal... aussi drôle soit-elle, c'est quand même freak, hein, de penser que t'es seul de pas vampire dans une gang, pis t'es comme, calice, il y a des miroirs partout. Ou la comédie de Young Frankenstein est meilleure, est plus maîtrisée que ça, c'est Mel Brooks, c'est plus... Ouais, oui. C'est ça, tu sais. Mais, tu sais, pis il connaît plus les codes, tu sais. Parce que ça, c'est vraiment juste expérimental, selon moi, mm-hmm. Pis... Ouais. Les codes de la comédie sont mal utilisés, les codes de l'horreur sont mal utilisés. Et là, watch out, le rage. Je serais curieux de voir ces films commerciaux, ces petites publicités, puis tout ça. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais... ah, mais en même temps, écoute, la publicité au Japon, même encore aujourd'hui, on les écoute, puis on fait comme ah, quoi, tu sais. Fait qu'imagine, tu demandes à ce monde-là de réaliser des films. Ouais. C'est ça, tu sais, je comprends pas tout le temps tous les codes non plus de ces cinémas-là. Fait que c'est. Des fois, ça m'empêche un peu de les apprécier à fond, là. Ben, c'était mon commentaire durant Rigor Mortis, mais Steven n'était pas d'accord. Je veux dire qu'il y a certains films, parfois, que tu n'as pas les codes qui te permettent de tout les comprendre. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant les codes. C'est vraiment une mauvaise maîtrise du cinéma. C'est une mauvaise maîtrise de l'outil cinématographique, point. Ah oui. À cause du montage, à cause de l'alternance des scènes, oui. De l'alternance des regards. Il n'y a personne qui va aller me dire. Chant contre chant n'existe pas, là. Il n'y a personne qui va aller me dire. Oui, mais si tu connaissais le cinéma japonais, tu saurais que de ralentir une scène ou de remettre une take trois fois en répétition pour accentuer un moment, ça se fait. Puis c'est très régulier et ça veut dire ceci. Là, t'es comme, non, regarde. Puis que ça, c'est notre Alfred Hitchcock, puis ça, c'est son psycho, ça. C'est ça, ben oui. Mais non, je pense qu'on s'entend tous sur les défauts du film, c'est juste que notre appréciation est différente parce qu'on l'a abordé différemment. Tu sais, moi, j'étais de bonne humeur, puis c'est... Oui? Rigor mortis, là, le problème qu'on avait avec le code, c'est que c'était des éléments de mythologie japonaise qui sont des prérequis à connaître pour... comprendre soit les règles de... Tu sais, je sais que là-bas, eux autres, un fantôme va fonctionner d'une certaine façon, tu sais. Ou, tu sais, leur vampire était différent. Fait que, tu sais... Mais Rigor Mortis, c'était aussi une suite, quasi-suite à Mr. Vampire aussi, que j'ai jamais vu. Oui, fait si t'avais pas vu Mr. Vampire, tu manquais des choses, tu sais. Fait que c'était des codes plus scénaristiques, ou en tout cas, de et non de mécanique du cinéma. Non, on s'entend que la mécanique du cinéma de plusieurs pays, ça reste quand même que c'est des règles C'est rare que je vais écouter un film d'un autre pays au point que je vais dire, hey, mon Dieu, mais ils ont une façon de tourner qui est totalement différente de la nôtre. Non, non, tu sais, tu regardes des vieux Kurosawa, puis tout ça, ça reste du cinéma classique. Et voilà! Tu sais, on écoute du cinéma espagnol pas mal, du cinéma italien. À même limite, Eisenstein, tu comprends, là, Potemkin, puis tout ça, les années 20, là, tu comprends. Là, à la limite, c'est, des fois, ça va être des échelles de plans qui vont être. Bon, là, les gars, on creuse trop, là. C'est le The Room de 77, là. C'est la Tommy Wiseau 77, là. Non. Tu vois, c'est ça, on s'entend sur les défauts, mais on ne l'a pas apprécié de la même manière. Non, oh, ouais. C'est pas un so bad it's good. Je sais juste pas où il se situe à travers ce cinéma-là. Fait que moi, j'ai eu du fun, mais je le vois pas tout à fait comme un classique du cinéma japonais, parce que je connais pas partout le cinéma japonais à cette époque-là, mais j'ai trouvé ça amusant. Un peu frustrant, mais amusant quand même. T'sais. Tommy Wiseau, il essayait rien. Tommy Wiseau faisait juste pitcher de caméra, ouais, puis laisser du monde aller. L'autre, il essaye trop. Ben, c'est ça. Fait que, au moins, c'est pour ça que je ne comparerais pas à ça. Oh là là. Ben, je sais pas. Moi, je trouve qu'on l'écoute sur le même mood. Tu sais, tu l'écoutes en gang, puis tu ris, puis des bouts, tu ris pas. Des bouts, tu t'emmerdes. Au bout, tu ris, tu t'accroches, tu raccroches. Ah ouais. Ça, fait, hey, on a manqué ça. Revenez, on aurait écouté ça. OK, là, on arrête. On parle. Fait que ta recommandation, c'est pas de le faire jouer à capsule, tu le feras pas jouer. Ben, là, j'ai les... En même les... temps! Ça dépend, là. Tu sais, là, une soirée douteuse où on risque une tablette, où on est assis, puis on rit, là, on écoutait Nightmare City, on a ri au bout, là. Fait que dans cette optique-là, oui, là. Oui, parce que là, le monde va lâcher des calls, là. En plus que c'est un film à suite, là. Fait que, tu sais, ça dérange personne d'aller lâcher un whack, là, tu sais. Fait que, non, moi, je pense que c'est ça pourrait. Ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose, mais faut que tu l'écoutes en gang. Moi, tantôt, là, je m'endormais, là. Je faisais le saut, puis je voyais, qu'est-ce que j'ai vu là? Voyons, c'est quoi ça? Puis je repartais dans ma tête, puis je me rendormais, puis j'y revenais, là. J'étais là, wow! D'après moi, il y aurait quasiment des jeux de boissons à faire avec ce film-là. Ah, c'est ça. Ah, c'est clair. Tu sais, à chaque fois qu'il nomme le nom, ou genre que, tu sais, prof dit, ou à chaque fois que quelqu'un dit, est parti jouer à la cachette. À chaque fois que tu vois le gars qui est en train de venir les rejoindre, il y a plein de choses à faire avec ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. À chaque fois qu'il y a un effet spécial douteux. Ben, moi, ma recommandation, c'est écoutez-la en gang, mais c'est pas un critérion à acheter, je pense. Donc, c'est pas un film à acheter. Non, ma recommandation, c'est la location sur iTunes. C'est la version Criterion, puis qualité très bonne. Puis c'est juste 4$, fait que 4-5$. Fait que je pense que juste ça, si vous êtes curieux, ça vaut la peine. Ou, tu sais, elle l'a vu sur iTunes, au pire. Si vous êtes vraiment curieux, vous n'avez pas envie de payer, je pense que. Pas iTunes, mais c'est ça. J'ai compris YouTube, tout à l'heure. T'as dit iTunes. Non, il est sur iTunes. Il est 3,99. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est sur iTunes. Là-dessus, on peut aller en musique. Comme tout à l'heure, on a mis une chanson de la bande-annonce pas de la bande-annonce, mais de la trame sonore de Labyrinthe de Pan. On pourrait aller avec une chanson de la trame sonore de ce film-là, qui est assez, comme je disais, assez éclatée. T'as du rock, du blues. Mais il y avait une toune de blues. Tu l'écoutes, la trame sonore, tu fais... C'est en train d'une parodie d'un bluesman américain. C'est tellement drôle. Puis t'as le thème musical. J'ai quasiment envie de mettre le thème principal, parce que si vous l'écoutez comme il faut... Puis que vous me dites que ça sonne pas pantoute comme le sentier de neige des Classelles, je vous dis que vous êtes fou. Parce que ça sonne bien pareil, c'est la même style de mélodie. Ouais, faudrait que je la réécoute en pensant. OK, il faut écouter ça. OK, fait qu'on y va avec une petite tonne du film, puis on revient tout de suite pour la conclusion. Down. Donc, en conclusion, on vient avec nos recommandations de films dans le même genre que ces deux films-là, mais il n'y a pas vraiment de genre. Là. C'est soit un film de fantôme japonais ou un film de petite fille dans un monde fantastique, je ne sais pas trop. Là. Qui voudrait commencer avec ses recommandations? Ou sa recommandation, je devrais dire. Moi, ma recommandation, c'était ce que j'ai dit tantôt. Là. Allez visiter la filmographie Del Toro. Pré-labyrinthe de Pan. Puis allez voir celui que les gens laissent souvent de côté, Chronos. Version du vampire. Petite fille avec son grand-père. Le grand-père qui joue dans presque tous les films de Del Toro, d'ailleurs, je me souviens pas du nom de l'acteur. Même dans le labyrinthe de Pan, c'est genre lui qui joue le roi du royaume enchanté. Ouais. Il est juste là, poing, il apparaît 2 secondes. Il dit deux phrases, mais c'est son acteur fétiche à Del Toro. Puis il y a toute la vedette dans Chronos et c'est très très beau, très touchant. C'est pas un film parfait, mais déjà là, on voit un gars qui savait qu'il allait pas aller dans le même sens que tout le monde. Ouais. Cool. T'as-tu un film Vicky a recommandé, mais tu t'endors trop? Ah, moi je m'endors, j'ai même pas la tête à ça, fait que non. Ok. Je suis pas assez concentré pour recommander quoi que ce soit présentement. Un oreiller? Ah, oui, j'ai hâte, là. Ça achève. Ben justement, j'irai pas quelque chose de long, j'ai quelque chose de court. J'y vois qu'un court-métrage, moi, en fait, ma recommandation, puis je suis d'accord avec les recommandations de Sébastien. Et moi, j'y vois qu'un court-métrage, si vous connaissez la réalisatrice torontoise Jovanka Vukovic, elle a fait un segment de l'anthologie qui s'appelle XX cette année, en 2017. En 2012, elle a fait le court-métrage, je vais le montrer à la caméra pour nos Patreons, mais c'est The Captured Bird. C'était en 2012. Puis c'est le producteur exécutif de ça, c'est Guillermo del Toro, justement. Oh. C'est aussi l'histoire d'une petite fille dans un monde fantastique, là, un mélange entre le réel puis le fantastique. Puis ça se trouve, moi j'avais acheté le DVD sur son site web officiel, mais ça se trouve, je pense, aussi sur iTunes, si je ne me trompe pas. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la réalisation de ça, puis les images et tout ça. C'est vraiment très beau. Ça ressemble quand même pas mal, je pense, au labyrinthe de Pan. Faudrait que je le revoie maintenant. Là. Je l'ai vu il y a quelques années, mais je vais le réécouter bientôt. Puis elle a une entrevue aussi avec... elle fait des entrevues avec George Romero, Mick Garris, son DVD, puis tout. C'est une grosse fan d'horreur, Jovanka Vukovic. Elle a travaillé pour le magazine Rue Morgue, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, c'est juste une grosse fan. Puis son film est très, très bien réalisé, puis ça vaut vraiment la peine. Puis c'est dans le même genre que Labyrinthe de Pan. Fait que voilà. Faut que je sois fatigué pour que la France, c'est juste une grosse femme. Oui, non, mais c'est pas une grosse femme. Mais c'est une grosse femme. Ah oui? J'essaie de m'éloigner un peu du sujet. Est-ce qu'on a des choses à annoncer, des grosses choses, des choses à annoncer pour ben, Jeff, futur, toi, t'es ben, au pour... retour de... Le bras de fer des films. C'est pas clair encore, fait que je vais attendre d'avoir une date précise ou quelque chose de précis à annoncer, mais ça devrait arriver bientôt. Là. J'attends que Steven ait fini Fantasia, parce qu'il doit rester encore une couple de semaines à ça. Là, fait que... Au moins, ouais. Ben, c'est ça, il est pris jour et nuit avec ça, je pense. Fait que... Je pense qu'il n'y aura plus d'énergie. Je vais laisser dormir un peu. Vas-tu nous refaire un autre épisode musical bientôt? Pour Horror Gamer, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. L'épisode préféré à Mickey, ça? Oui. Ouais, ça va pour ça, je sais même pas de quoi tu parles. J'ai fait un petit épisode pour ceux qui l'ont pas, pour Vicky, puis pour les autres qui l'ont pas vu passer, un petit épisode musical d'Horror Gamer qui s'inspirait d'épisodes musicaux du podcast Shockwaves, puis c'est ça, dans lequel je fais juste passer des sélections de musique, des chansons, puis des pièces instrumentales inspirées ou tirées de films d'horreur, de mon choix, là, tu sais. Puis, pour le premier... Je trouvais que c'est une excellente idée. Elle ne s'adressait pas à moi, mais une excellente idée, par exemple. Pour vrai, c'est une très bonne idée. Merci. Ben, merci. Puis, pour le premier épisode, j'ai été quelque chose. J'ai voulu faire ça un peu léger, vu que c'est l'été et tout, mais je me suis dit, les prochains, si j'en. Ben, je vais sûrement en faire d'autres. Les prochains, je vais. Pour ceux qui auraient été déçus par le manque de sélection plus horrifique, je me réserve d'en faire plus horrifique. Bientôt, l'Halloween s'en vient de toute façon. Puis mm-hmm. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais si ça m'a donné le goût d'en faire aussi pour le bras de fer, parce que Horror Gamer, ça me limite juste à l'horreur. Ou au suspense, trailer, puis tout. Mais bras de fer, il y a plein de choses que je pourrais faire. Je pourrais faire de la comédie musicale, des trucs comme ça. Fait que... Ouais, là, c'est n'importe quoi tu vas mettre dans le bras de fer. Exactement. Donc là, écoute, là, c'est... Au moins avec Horror Gamer, ça te dirige, mais écoute, on sait que toi, même si on te dirige vers quelque chose, la laisse est longue. Oui. J'ai la tête très dure. Mais correct, c'est pour ça que c'est cool. Oui. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche personne des autres membres d'Horror Gamer d'en faire aussi. Puis je sais que Steven, ça l'intéressait. Ouais, c'est ce qui serait cool, là. On disait ça, moi. De faire des épisodes musicaux. Ouais. Oui. Chacun sa couleur. Mais pas toi, Vicky, on le sait. Mais je serais curieux. Ça pourrait donner, tu sais, quelque chose d'expérimental à la house. Elle va aller sur YouTube. Elle va taper Horror Music. Elle va prendre les 12 premiers. Puis elle va y pitcher. Ça va tellement finir avec la danse des squelettes, là. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. C'est une cantine pour enfants que je fais jouer à l'Halloween pour un petit gars à capsule qui danse. C'est juste des squelettes qui dansent. C'est vraiment trop long pour rien. Ben, moi, ton épisode, je l'écouterais. On l'écouterait, mais ce serait juste Vicky qui ferait comme. Là, ça, la prochaine, ça s'appelle de même. Puis 88 000 vues. Vous en sortirez pas indemne. Toi non plus, de toute façon, t'en sortirais pas indemne. Tu ferais « Ah, Sébastien, il faut vraiment que je fasse le montage. Faut que je tape la musique, là. » J'ai aimé la trame sonore de Dracula 2000, puis la trame sonore de Lestat, le vampire, la reine des damnés. Okay. Fait que je vois juste « Bon, mais ça, c'est la piste 1 de cet album-là. Ça, c'est la piste 1 de cet album-là. Ça, c'est la piste 2 de cet album-là. Ça, c'est la piste... » T'as du matériel pour deux albums. Hey, pour deux épisodes. Puis la danse des squelettes. La danse des squelettes. On a un mix, les gars. Là. Ouais. La danse des squelettes, c'est ce qu'ils jouent pendant qu'elle parle. C'est ça. incroyable. Fait que préparez-vous, les gens, les auditeurs. Il va y avoir d'autres épisodes musicaux et peut-être un épisode musical de Vicky à un moment donné. Peut-être. Hey, tu sais, pour te dire, j'écoute Suspiria sur mute. Puis je skip l'épisode musical de Buffy. Je suis vraiment bien partie pour faire un... Puis il est tellement important! Non! Oui, avec ce qu'elle dit à la fin. Ouais, mais fais juste lire les sous-titres, puis le mettre sur le mur, tu lis ce qui est écrit, toutes les informations. C'est sûr. C'est tellement bonne. Je suis vraiment la meilleure placée pour faire un épisode musical. Écoutez ça sur mute, Suspiria. Je pense que Marc-Antoine Labonté te détesterait. Ben, il t'a déjà entendu le dire, là. Il doit t'haïr de ça. C'est son film préféré. Ouais. Mais j'ai un ami qui écoute ça au travail. J'écoute la bande-annonce, la trame sonore de Suspiria. Je dis non, mais t'es malade. Why not? C'est agressant. Je comprends pourquoi tout le monde meurt. Tout le monde a envie de se tuer. Est-ce que c'est ce truc qui présente les oreilles? Bon, ben... On aurait des Patreons à saluer. Oui. On a tout d'abord notre Marc-André Lavigne. Alors, shout-out à Marc-André. Salut Marc-André. Salut Marc-André, merci. Et on a aussi Véronique du podcast Les Douces Folies de Nikki. Et on la salue aussi. Toujours live sur le chat pendant les épisodes. D'ailleurs, si vous voulez être live avec nous pour commenter en direct ce qu'on dit et avoir accès à tous les moments entre shows, entre segments, ben le Patreon est là pour ça. Je prépare un petit sondage, un peu comme tu avais fait avec le bras de fer, juste pour sonder un peu nos fans, voir s'il y a des trucs qu'on peut réajuster par rapport au show. Rien de majeur, là. Je devrais garder la même voix, puis Vicky va rester Vicky. Oui. On change la voix de Steven pour lui donner la voix de Kermit. Hello! On force Steven à parler en vers et rime. Mais donc c'est ça. Je veux juste un peu vous regarder, voir qu'est-ce qui serait ajusté pour le show. Est-ce qu'on est toujours là pour s'améliorer? Prochain show. C'est un show que tu voulais faire, JF, mais finalement on le fait pour la mauvaise raison. Oui. C'est ouais. Prochain show, non Fantasia en tout cas. Mais... Non, c'est ça. Celui qu'il ne faut pas passer la série Fantasia, mais. Ben oui, on a perdu George Romero récemment, à 77 ans, si je me souviens bien. Puis on va faire un petit épisode hommage à lui. Là. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre encore, mais on va en discuter, puis on va faire de quoi pour lui, parce qu'il faut bien souligner. J'avais l'intention qu'on souligne les 50 ans de Night of the Living Dead l'année prochaine, puis on va peut-être le faire. Là, ça serait le fun de faire de quoi de spécial avec ça. Mais ouais, il faut faire de quoi pour souligner la mort de notre ami George. Ouais. Donc ça va être ça, le prochain show. Ouais. Je me suis emprunté à la bibliothèque le premier volume de la bande dessinée Empire of the Dead, fait que je suis curieux de lire ça. Je me souviens pas c'était quoi les nouvelles par rapport à son Road of the Dead. C'est-tu terminé de tourner? C'est là, c'est pas lui qui réalisait, c'est quelqu'un d'autre. Là. Lui avait co-écrit le scénario, je pense. Puis je sais pas qu'est-ce que ça devient, mais je suis curieux. Ça, le scénario m'intéresse pas, mais je suis curieux, tu sais. Mais je suis sûr, moi, je suis des rares personnes et peut-être la seule personne sur Terre qui ne chie pas sur Survival of the Dead. Fait que je suis curieux quand même. Je prenais tout de George Romero. Là, il filmerait ses bobettes dans la sécheuse. JF les probablement. Avez-vous vu la trace de sang? La trace de... What? Des bobettes. Tabarnache, voyons donc. Puis là, ça se termine avec une main de zombie qui arrive pour pogner les bobettes, en tout cas. Mais il n'y a pas Diary of the Dead, que c'est lui. L'as-tu produit ou réalisé? Parce que lui, tout, il n'est pas très bon. Non, il n'est pas. Lequel? Diary of the Dead. Oui, c'est lui qui l'a réalisé. T'es épouvantable. Il n'est pas très bon, celui-là. Ouais. Non, j'ai plus aimé Survival, en tout cas. Opinion non populaire. Je pense pas avoir vu Survival. Mais Diary, lui, il était assez décevant. Non, c'est genre, on va faire un found footage, mais on a deux cams. Oh, laisse faire. Fais un film. Les acteurs antipathiques. Ouais. C'est toi. Non. C'était Georges, oublie le found footage. Tu n'as pas compris. Ouais. Hey, mais voilà, ça va être sur notre prochain épisode. Ouais. Merci, JF, d'avoir animé. Je te laisse terminer ce show. Oui, ben. On vous termine ça après la chanson de conclusion avec notre section spoilers sur le labyrinthe de Pan. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, ben. On vous dit au revoir et gardez ça. Ah, ben, merci Vicky. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Puis de t'être tapé House. Bon, non, moi, ça me dérange pas. J'aime toujours découvrir, même quand je n'aime pas les films, au moins, je peux la mettre sur ma checklist, là, tu sais. Elle n'a pas de shameless, elle a juste une checklist. Ah, ouais. Et voilà. Merci Seb. Hey, mais merci à toi. C'est fun d'être de retour. Il manque juste un épisode avec. Steven, tous les quatre, et ça va être génial. D'après moi, Romero, on devrait tous être là. Je pense que oui. Ça va tomber justement quand Fantasia va être terminée, je pense. Okay. Donc, ben, pour tout le monde, gardez ça horreur. Alors, section spoilers de Labyrinthe de Pan. qu'est-ce que tu considères spoiler tant que ça, Sébastien? Ben, toute la finale. Toute cette finale où, finalement, elle l'a ramassé. Dès le premier plan? Oui, sauf que le premier plan rendu là, tu l'as peut-être oublié. Et il y a des détails dans cette finale-là qui sont assez dans ta face quand tu t'y attends pas. Anyway, tu peux pas t'y attendre. C'est que la petite fille, bon, elle a la dague. Elle a son petit frère, parce que sa mère est morte. À part avec son petit frère, avec la dague que le faune y a dit d'amener. Puis... elle s'en va dans le labyrinthe, rencontre le faune, et le faune commence à lui dire faut que, pour retourner à ton royaume, faut que tu verses le sang de ton frère, quelque chose comme ça. Puis elle a non, je ferai pas ça. Mais elle se fait poursuivre par le capitaine qu'elle a comme réussi à droguer, qui est à moitié là. Et il arrive et il la trouve, et elle est en train de parler dans le vide. Mm-hmm. Et là, t'es comme « What? Pourquoi est-ce qu'il voit rien, tu sais? » confrontation entre elle et le capitaine. Et le capitaine la tire, carrément. Prend son fils et la laisse pour morte dans le milieu du labyrinthe. Mais elle, son sang va couler, ça va ouvrir les portes. Et elle va finalement se rendre... dans le royaume, parce que c'est son propre sang à elle qui a coulé. Puis tout est bien qui finit bien. Le capitaine va se faire tuer par les rebelles qui ont comme pris le camp d'assaut. Et juste, ça j'adore. Juste avant de se faire tuer, il dit aux rebelles vous donnerez ma montre à mon fils, puis vous lui direz qui je suis. Puis il la regarde et il dit ton fils saura jamais que t'as existé. Et ça, c'est la pire tape, tu sais, toutes les tapes sa gueule qu'il a donné aux autres, pour lui, c'était comme de dire au gars, faut pas que tu bégayes, toutes ces choses-là qu'il a faites aux autres, ça, ben là, oui. c'était la pire chose que tu pouvais lui faire à lui, ils ont fait. Et sa phase de oh shit, c'est parfait. Et dans cette finale-là, tout est dans l'interprétation de finalement, est-ce qu'on a écouté un film fantastique d'une petite fille qui découvre un monde fantastique qui va lui permettre de se sauver de la guerre, ou c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination, qui est en train de vivre la guerre et qui se sauve, la fuit en s'inventant ce monde imaginaire-là. Parce que elle peut être allée jouer dans la forêt, avoir taché sa robe, puis mais se dire « Oh non, j'ai pas taché ma robe, c'est parce que j'avais une mission avec le crapaud. J'ai concocté quelque chose pour mettre en dessous du lit de ma mère pour la sauver. » Puis justement, quand sa mère meurt, tout va mal. Le monde fantastique la laisse, elle est prise. Ouais. Il n'y en a plus de monde fantastique. C'est comme si elle était rendue tellement down qu'elle n'est plus capable de s'imaginer ce monde fantastique-là. Elle n'est même plus capable d'y avoir accès dans sa tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle arrive comme acculée au pied du mur où ce que le faune réapparaît en disant « Ah, ben finalement, on va te donner une nouvelle chance. » Puis tu fais comme « Ok, ouais, est-ce que c'est eux autres? » Et quand je parlais tantôt, quand je commence le film maintenant, je me dis toujours, avant de le commencer... Cette fois-ci, je vais l'écouter comme si c'était vrai. Ou cette fois-ci, je vais l'écouter comme si c'était pas vrai. Ouais, je fais ça moi aussi. Ouais, hein? Ouais, ouais. T'as-tu une version pour toi qui c'est la vraie? Non, parce que ça m'importe peu. OK. Toi, JF? Ça me dérange pas. À ta première écoute, ben moi, t'as comme pas eu le choix de prendre un parti pris après ta première écoute? J'ai pris pour acquis que c'était vrai, parce que dans ce genre de film-là, j'aime croire, j'ai encore un esprit d'enfant, puis j'aime croire que c'est vrai. Surtout que quand tu me fais penser justement à sa mère qui se met à aller bien, à un moment donné, je me dis, mais le docteur comprend pas pourquoi, tu sais. Ouais, ouais. Ça serait quoi la raison dans le réel si ça, c'était pas vrai? Ça serait quoi? C'est-tu parce qu'elle est de bonne humeur, parce qu'elle joue le jeu avec son beau-père, ou je sais pas, tu sais, parce que sa mère avoue que sa fille va bien, ou je sais pas trop quoi, tu sais, mais... Moi, j'ai évidemment, les gens ont posé la question à Del Toro. Del Toro a dit, dans mon film, je donne pas de réponse, parce que je veux que les gens se fassent leur réponse avec leur propre leur propre bagage, mais il dit, moi, j'y crois. Ouais. Lui, pour lui, c'est ça. Mais c'est le fun de savoir que c'est comme genre, pour lui, c'est la même chose que pour nous autres. Il a pris une décision, mais il n'est pas en train de nous dire, vous êtes bien cave de penser autre chose. C'était son but là-dedans. C'est ça que je trouve génial. C'est que, tu sais, il nous laisse notre interprétation, puis pour lui, une ou l'autre est bonne. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai été détruit par ce film-là parce que j'ai pensé que c'était pas vrai. Parce que je me suis comme fait, oh non, cette petite fille-là, je juste. Et là, écoute, je me suis dit que c'était le film le plus dépressif que j'ai écouté de ma vie. J'étais détruit. Puis c'est après plusieurs écoutes, quand même, j'ai fait comme Sébastien. Écoute-les au moins une fois en disant que c'est vrai. Là, j'ai comme fait, ah mon Dieu, fais du bien de penser que cette petite fille-là, finalement, s'en sort. T'sais. Mais c'est ça, moi, tu vois, la scène du début, et je pense que c'est ça que j'expliquais dans mon. En fond de regarder des films, et c'est pour ça que moi, dans ma tête, la vraie version, c'est que ça n'arrive pas. Mm-hmm. C'est que la petite fille, au début, le premier plan, c'est elle par terre qui a du sang qui coule. Et le sang retourne. La scène est à l'envers. Le sang retourne. Et moi, mon interprétation, c'est que cette petite fille-là, juste avant de mourir, fait comme penser à... C'est comme si, ouais, plutôt que voir les derniers moments de sa vie, elle fait comme réarranger sa vie pour faire comme « Non, non, non, c'est correct, non, c'est correct, non, c'est correct. Je suis en train de... Je deviens une princesse. » Ouais, tu sais, je peux pas être une petite fille qui s'est fait tuer. Tu sais, là... jusqu'à la fin, elle refait les choses pour les changer. Parce qu'en plus, il n'y a personne qui est témoin de rien dans ce film-là. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas genre quelqu'un qui trouve quelque chose d'étrange et qui fait comme « Oh! » c'est... À part, comme tu dis, JF, le remède. C'est la seule. Oui. C'est la seule chose. Puis, la seule influence, impact, je veux dire, que les actions ont sur... Puis, tu sais, c'est tellement... Ça peut tellement être autre chose, tu sais, ça reste qu'à voir un docteur. Oui, mais tu sais, c'est puis, juste une rémission miraculeuse. Ouais, tu sais, puis que, bon, peu importe. Après ça, elle a une crise avec sa petite fille, puis je sais pas, ça va mal ou peu importe. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais envie de croire que c'était vrai. Comme dans le labyrinthe de Jim Henson, à la toute fin, quand elle se réveille, elle dit, oh, c'était-tu un rêve? Là, tout d'un coup, t'es voué réapparaître dans la chambre. Ouais. Là, lui, ben... dit clairement que c'est vrai. Mais... Lui, il vient de te le donner dans la face, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais dans celui-là, t'as un petit côté ambigu, mais moi, j'opte pour le fait que c'est vrai. Mais je trouve ça drôle parce que moi, j'ai envie de dire pourquoi qu'il faut trancher. Non, faut pas trancher, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Non, ben. Mais tranchez pas, essayez pas. Tu sais, laissez-le sur l'ambigu, laissez-le de. Hey, sais-tu, on le saura pas. On le saura pas, puis c'est pas grave. Non, ben, moi, j'aime ça, que ça soit ambigu, je veux pas de réponse. Peut-être. Non, ben, ouais, ben, moi, tu vois. Ça reste un peut-être. Mais, un moment donné, j'ai juste pris. Bon. Comment dire? Veux-tu que je t'aide à le laisser en peut-être? Parce qu'il y a un autre truc. Vous parlez du docteur, mais il y a un autre truc. Vas-y donc. Quand elle fait la porte, puis elle décide la porte sur son plancher, quand elle referme dans sa chambre, les lattes du plancher sont pas égales. Elle a détruit la ligne des lattes du plancher. Ouais, faudrait que je revoie cette scène-là. Quand elle referme le plancher, tu sais, je veux dire, t'es en train de faire ton patio, est-ce que tu sais, c'est quoi une planche de bois? Non. Fait que, une planche de bois, c'est une ligne. Non. Quand elle referme la ligne, elle devient décalée. Elle a décalé les lattes du plancher. Ouais, écoute, faudrait que je le voie. C'est ça, c'est fait. Ça, c'est une autre affaire qui fait, ben, coudonc. Est-ce que c'est nous? Est-ce que... Peut-être. Tu vas laisser ça en big. Mais tu vois, c'est parce que pour moi, ça, c'est un truc que c'est juste elle qui a été témoin. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à le mettre dans la preuve ou la non-preuve. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'un enfant est capable de voir que la latte du plancher était déplacée? Oh non, non, mais là, c'est qu'elle voit juste une porte se refermer, là, tu sais. À la limite, peut-être que Del Toro dirait « Shit, j'ai oublié la latte du plancher. » Je sais pas. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai un peu le laisser en milieu. Non, je pense que c'est pas nécessaire de se dire c'est ça ou c'est ça. Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Puis moi, j'aime ça parce que je trouve que justement aujourd'hui, on a tellement de... Ce besoin de confirmer, puis d'avoir une réponse, puis de se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Puis est-ce que j'ai raison? Tu sais, cette espèce de phénomène d'avoir raison aussi, là. Mais tu vois, moi, ce film-là, je me donne mon interprétation, mais c'est pas le genre de film où je vais questionner celle des autres. À moins que quelqu'un me dise, finalement, le capitaine, c'est un extraterrestre, je vais peut-être m'ostiner. Mais, tu sais... J'aime que ce film-là, ce soit ton interprétation à toi est bonne, la mienne est bonne, celle de JF est bonne. Oui, c'est ça. Mais je me dis, j'ai pas le choix avec mon bagage personnel, puis avec l'émotion que j'ai ressentie, surtout la première fois, d'être. Pour ta santé mentale. Ouais. Non, mais aussi que, tu sais, mais que je me dis, veux pas, j'y ai donné un sens la première fois que je l'ai écouté. Tu sais, j'ai comme... Oui, ben oui, la première fois que j'ai écouté, j'ai donné un sens. Fait que, okay. Pour moi, c'est comme... C'est ça, sa fin. C'est la première fin que j'ai vécue. Okay. Après ça, les autres, c'est devenu des analyses. Puis comme les autres ont jamais fait comme « Ah, c'est vraiment ça » ou « C'est vraiment ça », je me dis « Ben, ma première fin, c'est la bonne. » Parce que c'est celle-là que j'ai ressentie. Ça a été ma première écoute. Okay. Je te dirais, puis l'exemple est vraiment niaiseux, là. Il y a des jeux vidéo... genre les jeux vidéo de Walking Dead, ceux qui jouent à ça vont me comprendre, c'est des jeux où tu prends des décisions tout le long du jeu. Puis tes décisions vont influencer qui vit, qui meurt, puis tout ça. Puis à la fin, quand t'as fini le jeu, tu vas jaser avec quelqu'un, puis « Ah non, moi, c'est pas ça qui est arrivé. Non, moi, c'est pas ça qui est arrivé. » Puis là, il y en a qui s'amusent à rejouer ces jeux-là pour faire comme « Ah, mais moi, je les joue une fois. » Parce que je fais comme « Ok, bon, ben ça, c'est ma version. » Je vais aller voir sur Internet c'est quoi les autres possibilités, mais je fais comme même s'il y a plein de possibilités, à cette heure, ça, c'est la mienne. Je l'ai canné. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, pour le labyrinthe de Pan, mais moi, c'est souvent mon attitude. Je veux pas les savoir, les réponses sur Internet. Je dirais qu'une seule fois, je l'ai faite avec le film Le Nègre de Robert Morin. Puis j'ai fait, est-ce que c'est vraiment la fin que je pense? Et j'ai écouté les suppléments et c'est les derniers 30 secondes du 15 minutes, 20 minutes de supplément qui te le confirment. Puis il dit aussi, il dit... Mais moi, j'ai pas envie que ça soit plus clair que ça. Puis j'ai fait, OK, j'ai me tapé 20 minutes de supplément pour avoir ta réponse. Puis ta réponse, tu la donnes, mais tu dis, j'ai pas envie que ça soit plus clair que ça. Bon, ben plus jamais. Plus jamais. Si un réalisateur, c'est ça qu'il me donne, c'est ça que je vais voir. Mais tu sais, on parlait de Nightbreed, puis une autre fois après, là, The Devils, là. Tu sais, on se disait, hors podcast, là, l'importance de voir un film dans son entièreté, puis tout, puis tout. Puis je suis comme, oui, mais je vais toujours défendre la version étrange de Alien 3, parce que c'est quand même celle-là que les gens ont eue. Ouais. Oui, il y a eu des remontages, oui, il y a des director's cut, puis oui, il y a des meilleures versions que d'autres, mais reste que c'est celle-là que les gens ont eue, qu'on le veuille ou pas. T'sais... Puis moi, je suis un peu comme ça. T'sais, je veux pas aller me chercher de réponse. Peut-être que l'autre Alien, je le verrais comme un 3.5. Non, mais moi, tu vois, je le verrais comme « Ah, ça, c'était des bonnes idées, tu sais. » Mais en bout de ligne, t'as pas le choix. T'as pas le choix de dire « C'est ça le film, deal with it, tu sais. » C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme Blade Runner, là, où ce que Mané, tu fais comme « Ok, oui, mais ton Blade Runner, toi, c'est lequel, là, que tu écoutes? » Là, tu fais comme « Mané, j'ai vu cette version-là, là, puis oui, il y en a d'autres, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu as vu cette version-là de l'histoire, puis c'est elle qui va être la tienne. On s'en parlait beaucoup, toi puis moi, sur parce que de Devils, il y a des minutes manquantes, et c'est ça, puis j'étais comme, oui, mais les gens ont eu accès à quoi? Puis qu'est-ce qu'on a accès aujourd'hui? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis c'est vrai, on a eu la discussion aussi avec JF, puis Metropolis et tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser le basic pour voir... tout où on va voir la version qui nous est offerte. Oui, mais là, mais... Ouais, non, labyrinthe de Pan, considérant que la version est complète, non, mais il n'y a jamais on peut en vouloir plus pour les making-of de costumes, mais est-ce que j'ai envie de savoir plus? Je le sais pas. Mais tu sais, ça fait penser aux gens qui vont dans les Comic-Con pour poser des questions aux acteurs et aux réalisateurs parce qu'ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont vu. Est-ce que tu peux être juste satisfait de ce qui est là, tu sais? Puis moi, j'ai un geek de Star Wars qui fréquente le resto, puis c'est un vrai de vrai gay, puis il me porte des fois les débats que les gens ont, puis lui, il embarque plus là-dedans, ben. Mais il dit, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais Han Solo tire le premier, là, je sais pas trop, là, ça va faire Han Solo shoot first. Ouais. Puis là, lui, il est comme, Mais en même temps, c'est ça qui s'est passé. Qu'on fasse des débats pendant 15 ans, c'est ça qui s'est passé quand même. Mm-hmm. Ah ouais. C'est ça que je suis d'accord avec lui. Puis pour en revenir à Labyrinthe de Pan ou le film Le Nègre de Robert Morin, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, c'est ça le film. Puis prends-le pour ce qu'il est. Et elle essaie pas de chercher ce qu'il te donne pas. Mais à moins que je me trompe, j'ai pas la pochette que tu l'avais devant toi de DVD. Y a-t-il des deleted scenes sur le DVD? Je suis pas sûr. Là, tu l'as toi aussi, Jeff? Me semble que non, j'ai pas souvenir mais de. Me semble que non. J'ai pas souvenir. Des bandes dessinées, des courts-métrages, mettons, la couleur et la forme. Del Toro explique les codes complexes de couleurs et de textures dans les œuvres. Ouais, dans le fond, il fait juste te dire regarde. Non, c'est ça, il fait juste dire regarde ce que j'ai mis à l'écran, je vais te l'expliquer un plus en détail, tu sais. C'est les cartes de notes comme les phases de la lune, l'iconographie de l'écho, le royaume souterrain, la construction du royaume souterrain. Mais pas des réponses, tu sais. Non, pas c'est des ça. Réponses. Non, puis pas de scène de littérature où ce que tu fais comme ou de alternate ending où ce que tu fais comme ah ça. Ouais non. Puis c'est ça que j'aime avec ce film-là. Comparé admettons à tu parlais tantôt du truc de Star Wars ou quoi que ce soit ou de Alien où ce que là Mané tu fais comme ah ouais il a voulu tourner ça fait que là à cette heure il faut que je décide quelle version que j'aime. Non ben avec le labyrinthe de Pan il y en a pas d'autres versions. C'est juste que c'est sa ça. Version qui donne elle permet d'interpréter, elle est ambiguë. Puis moi, tu sais, c'est juste pas que j'aime pas un film qui finit ambigu parce que c'est toujours le fun, tu sais, c'est toujours le fun. Sauf que je prends toujours quand même une décision de faire à moins vraiment que je sais pas moi quelqu'un fasse comme ah mais t'as pas remarqué telle affaire, c'est pas si ambigu que ça puis que tu fais comme ah ben oui je m'incarne, ah, okay, oui, ok c'est bon. Oui. Là il y a ça là tu sais le réalisateur a caché quelque chose dans une scène que si t'as remarqué le détail ça vient de te clarifier tout. Dans ce film là il y a rien là, de ça tu sais. Fait que je me dis c'est à moi de la décider. C'est à moi de faire ma décision de c'est quoi la version ambiguë. Sauf que ce qui est le fun comme je disais c'est que même si dans ma tête j'ai décidé qu'est-ce que c'était ma version. Des fois, je l'écoute en pensant à l'autre, juste pour apprécier le film d'une autre façon. T'sais. Oui, c'est ça. Moi, je connais bien. Je m'excuse, Vicky, mais je connais bien le phénomène du geek ou du fan qui va chercher des théories ou des lire des mais qui va lire des discussions sur des forums de discussion des trucs comme ça par rapport à une œuvre. Je le fais tout le temps. Quand je regardais la série Lost ou quand je regardais l'automne dernier Westworld, j'ai passé des heures et des heures sur les forums. En ce moment, depuis 3 mois, je suis dans Twin Peaks saison 3 puis je passe des heures et des heures à lire des articles puis des théories puis toutes sortes d'affaires sur Facebook. J'adore ce genre d'affaires-là. Puis surtout, 3/4 du temps, je me trouve trop niaiseux pour avoir pensé à toutes ces théories-là. Puis je suis comme, what the fuck, ils ont pensé à ça, c'est donc bien génial. T'sais, j'écoute des podcasts sur Twin Peaks en ce moment puis toutes sortes d'affaires. Puis j'adore ce genre de truc-là. Ce film-là m'a pas what the fuck, incité à faire ça. J'ai... Normalement, à l'époque où ce qu'il y avait l'année passée encore, jusqu'à l'année passée, ou au début de cette année, il y avait les forums de discussion sur IMDb. Quasiment à la fin de chaque film, j'allais ces forums de discussion pour voir ce que le monde disait, surtout dans des films de voyage dans le temps ou de dimensions parallèles ou des trucs comme ça. Je veux voir ce que les gens en ont pensé, c'est quoi que la fin veut dire, puis tout. Mais lui, ça m'est jamais passé par la tête d'aller voir. Comme on revient à ce qu'on disait plus tôt, le film est complet. Tu sais, oui, on peut avoir différentes interprétations de la fin, mais même là, ça m'intrigue pas vraiment. Tu sais, je suis comme, ça peut être ça, ou correct. Je suis correct avec toutes les différentes possibilités. Puis ça reste un bon film pour chacune. Oui, c'est ça, exactement. Ça le blesse pas ou quoi que ce soit. C'est un peu le message final qui change. Est-ce que tu as un message d'espoir ou un message de... Oui, ça devient de l'émotion que tu peux avoir par rapport à la finale. Là. Oui, c'est ça. T'sais, soit tu es détruit ou tu es soulagé. C'est ça. Mais ouais, non. Ça change pas la qualité du film. Là. Non, c'est ça. Puis justement, tu sais, moi, les forums, j'y fréquente pas parce que je trouve que c'est ça, ça détruit la qualité du film, ça va te montrer les incongruités, les erreurs. J'ai-tu vraiment envie de voir ça? J'ai-tu vraiment envie de lire ça? Pas vraiment, non. Hey, y'a-tu de quoi de plus plate que d'apprécier un film, puis après ça, quelqu'un qui fait comme « Ouais, mais t'as pas remarqué que telle affaire, c'est que ça a pas de sens? » Puis t'es comme « Oh, si je peux plus jamais réécouter ce film-là sans repenser à ça. » Ça dépend. Moi, je trippe quand c'est des trucs que j'ai pas vus, puis que c'est vraiment trippant. Pas quelque chose qui détruit un film, mais non, quand c'est vraiment trippant. Tu sais, tu regardes un Star Wars, quand tu regardais ça en 99 ou 2000, mettons, La Menace Fantôme, tu dis « T'as-tu vu le E.T. dans le bas de l'écran? » Je suis comme « Non, j'avais pas vu, c'est donc bien trippant, tu sais. » Mais non, c'est ça, tu sais, des trucs de même que Je suis pas assez observateur des fois, ou juste pas assez, comme je dis, là, des fois pas assez brillant pour, comme, pour penser à quelque chose. Je regarde Twin Peaks, je suis comme, ah fuck, les gens ont fait un lien entre ça, puis ça, je l'ai pas vu pantoute, mais c'est donc bien brillant, c'était évident. Ouais. Ouais, mais ça, c'est comme des trivia un peu, mais tu sais, comme on parlait tout le monde de Westworld, tu sais. Mais moi, j'ai pas envie d'aller lire les théories sur Westworld. J'ai pas envie d'aller lire les gens. Ah, j'ai lu ça, moi. Je les écoutais semaine en semaine, des épisodes, puis je les lisais tout. Puis j'étais comme, what the fuck, les gens pensent que ça, c'est ça. Puis t'arrives tout trois semaines plus tard, je dis, fuck, il avait raison. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais on s'en fout. Et moi, j'aime ça. C'est moi, j'aime ça. J'ai du fun là-dedans. Puis quelle version d'Alien 3 t'écoutes? J'ai déjà vu la version Director Scott, mais j'ai plus vu la version cinéma. Je l'ai vu au cinéma, le film. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a comme truc spécial dans Director Scott. Ah, il y a des scènes, beaucoup de scènes différentes. Là. Il y a beaucoup, ouais. Beaucoup de choses. Oh, oui. Okay. Paraît que le sens du film n'est pas le même. Okay. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris dernièrement un trivia de même là, pour Alien 1 que Tony Scott avait expliqué d'où venaient les œufs. Peut-être que. Tony, ben Ridley. Ridley. J'ai dit Tony, moi. Ridley avait tourné une scène, tu peux la voir, la détective, où tu vois d'où viennent les œufs, puis il n'y a pas de queen, là. Puis tu fais comme, si, parce que cette scène-là n'a pas été inclue dans le film, James Cameron a créé sa queen, tu sais. Tu te rends compte que finalement, quelqu'un, après que les facehuggers soient sortis du ventre, là, ouais. Ben. Il y a un genre de cocon qui se ferme autour d'eux autres, puis ils deviennent un œuf. Amané arrive à une place, puis elle voit des membres de l'équipage qui sont genre en moitié transformés en œuf. Là, t'es comme, what the fuck, c'est ça? Tu sais, lui, il avait décidé qu'il l'avait expliqué, puis finalement, ils l'ont pas gardé dans le film. Mais tu vois que parce qu'il n'a pas gardé ça, ça a changé la série à jamais. Fait que là, cette deleted scene-là, m'excuse, mais ici, il y a un geek qui m'arrive et fait comme, ouais, mais les filles, ça... Non, regarde, c'est une deleted scene, ça n'a pas été inclus. Ça finit là, voilà. Tu sais. Voilà, t'as le meilleur exemple. C'est ça. Que c'est un beau trivia, c'est un beau gag, ce soir, je suis vraiment contente de l'entendre. Je suis comme, oh, ouais. Tu sais, puis tu dis, ah, ça a été cool, mais c'est ça. Ça n'est pas... Mais tu Canon, c'est ça que j'allais dire. C'est pas canon. Ça n'est pas canon. Mais tu sais, ça dépend de chaque personne, parce que moi, tu sais, on parle de James Cameron, mais The Abyss, la version longue, c'est ma version préférée parce que ça change tout le sens du film original. Il y a 30 minutes de plus ou 20 minutes de plus, ça change tout. Puis moi, je suis pas capable de voir l'original depuis ce temps-là, depuis que j'ai vu la version longue. Il y a une différence aussi, là, par exemple, c'est que tu préfères une version, ça c'est correct, mais je pense pas que tu peux aller après ça t'assassiner avec quelqu'un, lequel est la bonne version, tu sais. Non, c'est une question de goût, je pense. Je pense que c'est une question de goût, puis tu sais, c'est une question aussi. Comme tu disais que Blade Runner, il y a comme 4 versions, mais c'est laquelle tu préfères, ben tant mieux. Si tu préfères celle-là par rapport à l'autre, tu sais. Ouais, c'est ça. À moins que... Tu préfères de la narration qui n'aille pas, ben... À moins que j'apprenne, puis tu sais, dans ça là ça va peut-être un petit peu plus me chicoter, là, tu sais, j'apprenne que finalement, le réalisateur s'est fait charcuter son film, puis qu'il fait comme, garde, enfin, c'est ça, c'était ça ma vision du film. Ouais, ok, je vais peut-être dire, ok, si... Je suis prêt à accepter. Surtout que c'est des scènes qui existent. Là. C'est pas George Lucas qui s'en va scraper son film en disant « Je corrige des choses. » C'est comme « Tabarnak, non. » Mais il y a des cas que... Oui, vas-y, Whisky. C'est ce qui arrivait avec Alien 3, en fait. C'est qu'il dit « C'est pas le film que je vous donnais. Voici le film que je voulais vous donner. » C'est même pas lui qui a fait de la version longue. En fait, David Fincher a renié le film, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Sauf que reste que les studios ont engagé David Fincher pour conter l'histoire. Il a décidé de ne pas la raconter comme les studios voulaient. Il a fait à sa tête. Les studios ont fait « Ben non, c'est pas ça qu'on voulait que tu racontes. » Fait qu'ils ont charcuté son film, effectivement. Mais rendu là, c'est un combat entre à qui appartient la série de films et un réalisateur qui a sa vision. Fait que le réalisateur aurait juste dû faire son propre film de E.T. d'extraterrestre, mais il a été raccroché à une série. Elle a l'erreur, mais reste que le film qui devait apparaître, c'est le Alien 3 des studios, parce que c'était à eux qui se la possédaient. Quand t'es nouveau et t'as pas de nom, tu fais ce que le studio veut, mais en même temps, tu dis « Ah, je veux réaliser un Alien, cool! » C'est ça. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a des cas aussi, je veux pas trop m'étirer là-dessus, mais il y a des cas, comme je pense à George Romero, RIP George Romero qui est décédé récemment. Dawn of the Dead, c'est mon film d'horreur préféré. Puis tu sais, j'ai le coffret DVD avec 3 versions dessus. Puis je suis pas capable de te dire c'est laquelle que je préfère. J'ai déjà eu cette discussion-là avec Steven, je ne suis pas capable de dire. Moi, je prendrais un bout de cette version-là, des bouts de ces versions-là, puis une autre bout, puis je mettrais tout ça ensemble. Ça serait ma version préférée. Mais telle qu'elle existe, je les écoute tous les trois, puis je ne suis pas capable de dire laquelle que je peux faire. T'sais. Puis est-ce que lui disait. Oui, lui, il avait une préférée, c'est celle qui est sortie au cinéma. T'sais. C'était pas la version longue de Cannes ou la version charcutée par derrière Gento. Lui, c'était sa version qui est sortie au cinéma. T'sais. Bon. Voilà. À la limite, les autres, c'est du bonbon, c'est du plus value, mais après ça, tu te dis, ben, regarde, le réalisateur, ou en tout cas, dans l'univers de la série, c'est cette version-là qui est la bonne. Ouais. Fait que quand tu suis une série, quand le film fait partie d'une série, ça devient important de savoir lequel est canon, lequel est... Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Comme les aliens, tout ça, là, ouais. Est-ce qu'on mais a... Bon... Ah oh non, t'avais l'air de vouloir dire spoiler. De quoi? Non, c'est ça, on a fait le tour des spoilers, je pense. Ouais, ben écoute, tu nous clôt, parce que là, on est à la fin de l'épisode, il y a des finalement, gens qui nous écoutent. C'est extraterrestre, j'avais pas vu ça. Ouais. Hein? Finalement, le capitaine, c'est extraterrestre, j'avais pas vu ça. Non, ouais. C'est vrai. C'est ça qui reste à retenir. T'as pas vu la comète, le vaisseau spatial qui tombait à la fin du film? Son sang était vert. Tu sais, quand il voit un feu dans la forêt, là, c'est ça. Je pense que c'est des rebelles, mais c'est son vaisseau spatial qui vient leur chercher. Ah. C'est ça. OK, ben, ouais. Non, vas-y. J'allais dire merci à ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Oui. Ils sont vraiment très patients et très... Ben, c'est ça. Ben écoute, c'est ça. Gardez ça horreur, gang. Je café, puis gardez ça horreur.